Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Rebonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Hello messieurs, alors effectivement on se retrouve une nouvelle fois pour enregistrer cet épisode sur Hotline Miami parce qu'on a eu pas mal de problèmes techniques. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en retard d'une petite semaine, normalement ça devait sortir vendredi dernier. On a dû décaler parce que cette fois-ci, avec nos plannings respectifs, on n'a pas pu recaler en enregistrement. On a déjà fait un ce matin, ça a encore pas fonctionné, on a encore passé 2 heures à essayer de régler les problèmes. Bref, voilà, on fait notre petite pop-up interne, mais voilà, on est vraiment désolé, on a des petits soucis techniques, on essaie de faire au mieux pour vous proposer quelque chose qui nous convienne, et puis surtout, voilà, qui soit audible, hein, tout simplement. Ouais, parce que là, on avait vraiment un problème de grésillement à cause d'un câble, et bon, bah, c'est vraiment très désagréable, c'est-à-dire que des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, donc bon, bah, vous qui êtes en train de nous écouter, ça aurait pas été cool pour vous, surtout que les épisodes, ben, c'est ce qu'on avait dit dans l'autre épisode, comme ils sont pas périssables, hein, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui écoutent encore les épisodes d'il y a un an et demi, et ça sera pareil, hein, vous, auditeurs et auditrices du futur de 2028, bienvenue dans cet épisode de Hotline Miami en 2020. Du coup, il faut que ça reste cool et faut qu'on en soit content, parce que ça serait vraiment dommage qu'on se dise, bon, bah, l'épisode 29, c'était de la daube. Ça nous ferait dommage. C'est embêtant de porter ça. On vous remercie évidemment pour vos dons sur Patreon, vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre, et voilà, ça fait super plaisir. Il y a même quelqu'un qui est arrivé pile au moment où on lançait. Donc on s'était dit, allez, on le fait, on continue juste pour toi qui viens de nous rejoindre. Oh, non, voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est important, ça nous donne un petit peu de sérénité, même là dans ces moments où, franchement, on faisait un peu la tronche, hein, quand ça a pas marché une deuxième fois. Voilà, on se dit que de toute façon, il y a ça, on peut continuer. On essaie de maintenir le rythme au mieux qu'on peut et voilà, on essaie d'être serein, on a un super programme qui continue, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, le lien est dans la description. Et puis merci pour les messages de soutien aussi qu'on avait reçus sur Twitter, hein. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de bienveillance, hein, là-dessus, je pense que c'était du 100% positif là-dessus quand on a annoncé qu'on avait un petit peu de retard, donc voilà, merci beaucoup, vous êtes des amours, mais c'est normal parce que nous aussi, donc voilà, on crée c'est de l'amour circulaire, c'est voilà, on récolte ce que l'on sème, j'ai envie de dire. Et oui, tout les communautés simplement. Ne sont que le reflet bien sûr, de leur contenu. On a les viewers qu'on mérite. Exactement. On remercie également Sœur d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. On leur remercie pour leur sponsoring, mais aussi... Mais pas que. Mais pas que. Leur sponsoring, mais pas que. Effectivement, oui. Puisque on peut ça marche. Pour ce bouquin, Les coulisses de Devolver, Business et Punk Attitude, qui a été écrit par Baptiste Perron et Pierre Mongin. Très beau livre, très bel objet, hein, c'est pas juste pour faire la pub, pour mettre un peu de pommade, non, vraiment, c'est un beau livre, il est au format A4, il me fait un peu penser, vous savez, aux éditions, si vous lisez des comics, genre les Batman, les trucs comme ça, c'est un peu une édition de ce style-là. Il y a beaucoup d'images, beaucoup d'artwork aussi, c'est un petit peu moins austère, on va dire, que les livres d'habitude, c'est vraiment que du pur texte, hein, c'est des gros pavés. J'en connais, il a écrit un livre sur The Witcher 3, voilà, faut se le farcir le truc et voilà, il y a beaucoup d'images. Et toi, Maxime, tu l'as lu Je l'ai lu, effectivement. Enfin, le Devolver du studio, il y a des photos, hein, des personnes qui sont interviewées, il y a des artworks de tout, du coup, tous les jeux Devolver, hein, qui sont assez sympas, hein, à observer. Puis la couverture, elle est de El Huervo, donc artiste musical qui a signé quelques pistes d'Hotline Miami et aussi les artworks officiels. Et le bouquin est bien aussi sur le fond. Très bien, voilà. Donc, c'est pas qu'un objet. On vous le recommande. Il est joli et il est bien. On va pouvoir aller picorer quelques idées là-dedans pour notre recontextualisation, comme d'habitude. Je crois qu'on a tout dit, si ce n'est qu'on va simplement se concentrer sur le premier Hotline Miami. Alors, on évoquera certainement le 2 dans les modifications qu'il a pu apporter, aussi ce que ça a signifié pour ses développeurs. Mais voilà, on va vraiment se concentrer sur le premier. C'est vraiment celui-là qu'on va spoiler, puisque je vous le rappelle, on est dans la fin du game. C'est un petit peu... c'est le concept. Et puis voilà, après une petite musique en transe que Maxime va nous envoyer, on va pouvoir commencer un nouvel épisode. Hotline Miami qui est donc sorti le 23 octobre 2012 sur Windows, PC, sur Steam. Ensuite, il est arrivé en juin 2013 sur PlayStation 3. Et puis après, évidemment, il a suivi sa petite série de portages logique, hein, la trajectoire... Ce qu'on appelle la trajectoire Skyrim. Hein, ouais. Tu vois, donc t'es porté sur absolument tous les supports qui existent. Hein, PlayStation 4, Switch, frigo, machine à laver, Tesla. Il y a des jeux dans les Tesla. Jouer Hotline Miami sur une Tesla, c'est très dangereux si le mode autopilote n'est pas installé. Hein, je tiens à vous le dire. C'est vrai que ouais, l'ambiance Hotline Miami sur la route, à mon avis, tu restes pas vivant très longtemps. Mais du coup, Hotline Miami qui est développé par Denaton Games, qui est édité, vous l'avez compris, par Devolver Digital. On va revenir un petit peu du coup sur Devolver parce que Hotline Miami, c'est un jeu qui est très important quand même pour l'histoire de cette entité. Ouais, on va pas revenir sur toute l'histoire de Devolver évidemment parce que ce serait pas pertinent pour l'épisode. Mais comme tu l'as dit, hein, Devolver et Hotline, c'est deux histoires qui s'écrivent ensemble grâce à l'autre. Et donc l'histoire de Devolver, c'est donc des mecs qui... Je suis très mauvais en nom, et puis comme je disais, voilà, on va pas s'étaler sur tout, mais des mecs qui bossent un petit peu dans l'industrie du jeu vidéo milieu fin des années 90, et eux, leur posture, c'est de vouloir faire de l'édition de jeux vidéo un petit peu plus équitable, hein, parce qu'on est dans un contexte, et c'est toujours beaucoup le cas aujourd'hui, où les deals sont pas forcément favorables pour les développeurs et les studios, notamment sur les questions de propriété intellectuelle, donc le nom du jeu et son univers appartiennent très généralement à l'éditeur, les parts de revenus aussi sont clairement en faveur de l'éditeur. C'est quoi les chiffres? C'est quoi? Au moins 60% à l'époque, pour l'éditeur? C'était, en général, c'est 60%, sachant que du coup, dans les années 90, un truc qui n'existait pas, c'était la distribution numérique, ouais. Donc du coup, t'es obligé de passer par un distributeur, impresseur, tu avais besoin d'un CD, d'une galette, d'un manuel, bref, ça coûtait encore beaucoup. On était dans des tarifs, finalement, ce qui revenait au développeur, c'était quasiment ce qui revient à un auteur, c'est-à-dire un peu moins de 10% du prix de vente revenait au développeur, et sachant que, comme tu l'as dit, il ne possédait pas la licence. Ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, que les gens n'ont peut-être pas forcément conscience, mais imaginez-vous, vous avez bossé 4 ans, vous avez inventé des personnages, vous avez inventé tout un lore, un univers, etc. Le nom du jeu ne vous appartient pas. Tous ces personnages-là, comme ils sont liés à ce nom du jeu et à cet univers, ils ne vous appartiennent pas non plus. Donc c'est vrai que ce deal là, cette clause là en général est très complexe, ça a posé beaucoup de soucis à tout un tas de studios qui en ont parlé de divers, tu vois, je pense à Larian qui justement a voulu récupérer Divinity Original Sin, on pense à Destiny qui a été récupéré par Bungie à grands coups, j'imagine, de millions, c'était vraiment incroyable que Activision accepte de lâcher ça, parce que on le sait, souvent quand les studios ils ferment, les licences ils les lâchent pas, tu vois, ils les gardent, ils les mettent sous clé pendant 20 ans et ils te ressortent un Bubsy, ils te ressortent un Tony Hawk Pro Skater et c'est dégueulasse évidemment, mais voilà, donc en fait, Devolver, ils étaient simplement, je pense, un peu en avance sur leur temps à l'époque. Et du coup, ils étaient trop en avance, hein, le marché n'était pas du tout prêt. Ils ont connu quelques échecs, parce que donc, ça ne s'appelait pas Devolver. Ouais, ils ont créé plusieurs boîtes, ça, en fait, qui étaient dans, en tout cas dans la même posture, mais qui n'ont pas fonctionné à ce moment-là, jusqu'à Devolver en 2009. Dans une industrie qui était assez différente, hein. Il y en a même une qui avait été rachetée par 2K, ils signaient du coup des boîtes, il n'y avait pas vraiment de jeux vidéo indépendants comme on le connaît aujourd'hui à l'époque. Mais oui, comme tu l'as dit, donc 2009, après plusieurs échecs, Devolver se crée. Bon, est-ce que c'est un baroud d'honneur? Je sais pas trop, tu vois. Ouais. Je sais pas si en 2009, il y a quelque chose qui leur a fait croire que ça allait changer, j'en suis pas persuadé. Mais bref, en 2009, en gros, la situation de Devolver, c'est qu'ils ont dans leur roster donc, d'éditeurs, ils ont Serious Sam, qui est, pour l'anecdote, un jeu qui avait été développé par un studio de l'époque où il s'appelait encore Gathering of Developers. Et en fait, donc le studio, Crow Team, avait gardé l'IP Serious Sam, puisqu'ils avaient quand même, c'était quand même leur... Leur deal, et donc ils ont suivi les mecs de Devolver, donc ils ont Serious Sam et ils ont aussi Shadow Warrior et Duke Nukem qu'ils ont racheté sur les cadavres de je sais plus quel éditeur. Que des grands jeux, hein, évidemment. Et Duke Nukem. Et là, Duke Nukem et Shadow Warrior, de toute façon, à cette époque-là, ils en font des portages, hein, sur mobile, sur tablette. Il faudra attendre 2000 environ. 13 ou 15 avant de voir le reboot Shadow Warrior. Hein. Mm. Mais bref, à l'époque-là, c'était juste les jeux de l'époque qui portaient. Et donc, pendant ce temps, en Suède, on a Dennis et Jonathan qui kiffent la life. Donc, Jonathan Söderström, ouais, c'est ça, et Dennis Wedin, pardon à la Suède et aux familles pour la prononciation. Et donc, eux, c'est un peu des artistes, hein. Ils font de la musique, ils font du dessin. Ils boivent des bières. Sans doute. Vraisemblablement, c'était un peu leur délire à ce moment-là. Je vais pas me risquer à parier sur tout ce qu'ils consommaient, hein, mais la liste est peut-être longue, je sais pas. Jonathan, lui, il touche un petit peu aux jeux vidéo aussi, il touche même beaucoup, il a une cinquantaine de freeware à son actif, il a une petite renommée hein, même sur les Ouais, on forums. l'appelait Cactus, c'était C'est son ça. pseudo, quoi, et voilà, il faisait des freeware. Ouais, tu disais même, tu as eu une interview de lui qui datait de 2008, donc Ouais, quand même, où tu il vois, il parlait était. Ouais. justement de Bread d'ailleurs, où il racontait voilà qu'il était impressionné qu'un indépendant puisse arriver à percer sur le marché, voilà ce qui allait sans qu'il, à mon avis, il le savait pas à ce moment-là, mais ça allait annoncer ce qui allait lui arriver Bah, aussi. j'espère, parce que s'il le savait et qu'il voit Oui, dans l'avenir, il a le c'est meilleur pouvoir de l'univers. c'est la drogue. Peut-être. Et du coup, son acolyte, Dennis, lui, il est chaud pour faire un petit peu de jeux vidéo. Hein, il n'a pas d'expérience dans le milieu. Donc, tous les deux, ils vont un petit peu faire ça. Dennis va plutôt s'occuper de la partie graphique et Jonathan, du coup, avec son expérience plutôt bah, programmation, game design. Ils se replongent. Alors, non, ils font quelques protos voilà, de leur côté. À un moment, ils se replongent dans les différents freeware qu'a pu faire Jonathan. Ils trouvent Super Carnage, un jeu probablement très subtil, qui, après une refonte graphique, dans les mécaniques, etc., deviendra Cocaine Cowboys. Un projet pour lequel, c'est important de le dire maintenant, parce qu'on y reviendra après, pour lequel ils n'ont pas d'ambition. En fait, c'est peut-être un projet parmi d'autres, tu vois. Il n'y a pas forcément d'ambition à le vendre ou quoi. Et c'est là qu'entre en scène, je m'excuse cette fois auprès des Pays-Bas et de sa famille, Jan Willem Nijman, autrement connu comme 50% de Vlambeer, donc un studio qu'on connaît pour Nuclear Throne, Lufthauser, Ridiculous Fishing et plein d'autres succès indés. Et donc son acolyte, c'est Rami Ismail, que vous connaissez peut-être parce qu'il est très présent sur les réseaux, il anime Et beaucoup pour de l'anecdote, en conférences. fait, les deux ne peuvent pas se blairer. Ouais. Ah C'est oui, c'est vraiment ça. l'anecdote très particulière, c'est que les deux continuent de bosser ensemble, ils sont toujours tous les deux propriétaires de Vlambeer et des IP, etc. Mais ils ne peuvent pas se piffrer tous les deux. Et Rami Ismail, lui, il est surtout très connu parce qu'en fait, c'est vraiment devenu un porte-parole un petit peu des oubliés du jeu vidéo. Il a vraiment fait son cheval de bataille autour de l'idée de mettre en avant les communautés de développeurs et de développeuses des pays qui n'écrivent pas avec notre alphabet à nous. Donc, que ça va être des gens qui sont en Asie, des Russes, des gens en Afrique, des gens en Amérique À du part les Sud, quoi que ce Japonais, soit. du coup, Voilà. j'imagine. Oui, ou parler japonais, Oui, ouais, tu vois, anglais, japonais, enfin bref, en gros, tous les bien pays qui ne sont pas la triade habituelle de l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et le Japon. Et donc, d'ailleurs, il a organisé à la GDC une des conventions qui s'appelle One Reason to Be, où il arrive à faire venir des gens qui n'ont pas les moyens de venir à la GDC, et il les fait venir malgré tout pour qu'ils puissent présenter un peu leur contexte à eux. Hein, le contexte, moi, je me souviens par exemple d'une personne qui était en Indonésie et qui expliquait le jeu indépendant en Indonésie. C'est vrai que c'est pas un truc que tu entends parler tous les jours, et le jeu était vraiment très très bon en termes de qualité. Il y avait des tonnes de très bonnes choses dedans à garder. Donc voilà, il a fait ça. Il a également organisé, je sais plus, le Game World Dev ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait. Tu sais, l'espèce de conférence où il avait participé, où c'était tout en ligne. Oui, C'était une espèce de pseudo GDC. je pense que c'est organisé par un mec qui est brésilien de Ouais. mémoire, mais il doit y participer aussi de Mais de moyen. toute façon, Vlambeer, ils sont très importants en fait dans la communauté indé. Et puis même, je crois que c'est eux qui ont développé tout un outil, tu sais, pour demander des clés. Oui, Je le crois que c'est eux presskit. qui l'ont, voilà, le Ouais, c'est ça, presskit. presskit. Donc c'est des gens tous les deux qui ont développé beaucoup de choses. Et en fait, je pense qu'on n'en parlera pas, probablement pas dans l'émission, parce qu'ils font vraiment des jeux là qui sont vraiment extrêmement arcade, hein, c'est vraiment du roguelite arcade, donc je sais pas si un jour ils viendront dans l'émission, mais ils ont une place assez importante dans le jeu Ouais, il y vidéo a un indé. Ouais. bouquin du coup, si jamais c'est un truc qui vous intéresse et vous avez envie de connaître un peu l'histoire de Vlambeer, ils avaient sorti un bouquin, je crois que c'était genre 1800 ans de Vlambeer ou un truc comme ça, Ah tu ouais, sais, avec un d'accord. titre improbable, où ils revenaient justement sur la création de leur jeu et leur impact. Parce que c'est vrai qu'il y a Preskit de Rami qui l'a fait, mais il y a tout un tas d'autres outils qu'ils utilisent. Il y a tout un système par exemple de newsletter qui t'envoie, tu t'y inscris et ça te prévient dès qu'il y a un nouveau jeu indé qui sort et tu peux faire la demande de clé en réponse au mail automatique. Enfin voilà, ils ont créé pas mal d'outils justement pour la communauté des développeurs, et c'est d'ailleurs pour ça que Rami, il me semble, il avait déjà eu un prix à la GDC pour son impact global en tant que personnalité du jeu vidéo mondial. Mais du coup, pourquoi on parle de Vlambeer, hein? C'est parce que donc Yann, en fait, il a découvert, il connaissait les Denaton, hein? Alors il s'appelait peut-être pas encore Denaton à l'époque, mais il a découvert des projets et c'est lui qui a pris l'initiative d'envoyer quelques protos à Devolver. C'est ça, Vlambeer et Devolver, ils avaient déjà eu l'occasion de collaborer sur un jeu dont on reviendra pas non plus en détail. Et du coup, Denaton et Devolver ont été mis en contact grâce à lui. Ils ont découvert Cocaine Cowboys. Là, bon, le rôle de l'éditeur, c'est d'avoir du flair, de se rendre compte que c'est un potentiel. Parce que moi, j'ai pas vu, mais vous avez vu un peu des images du proto. Bon, c'était Ouais. pas forcément la joie. Ouais, si ça vous intéresse, en fait, sur la chaîne YouTube qui s'appelle Complexe, il y a un documentaire qui est sorti en 2015 qui revenait un peu sur la création de Hotline Miami, qui est génial. Moi, vraiment, j'ai passé 25 minutes incroyables à les regarder parce que tous les personnages sont justement des grosses caricatures de clichés d'Américains. Et pourtant, ils sont Jonathan, suédois. Oui, et oui, c'est non, pas des mais persos, hein, c'est des vrais gens. oui, c'est des vrais gens, et effectivement, ils sont pas américains, mais c'est quand même des clichés eux-mêmes, parce que tu vois, Jonathan, donc il a sa petite casquette de tuffeur violette kaki, enfin vert kaki avec les bords carrés, il a un sweat improbable dont je suis très jaloux, Kikkoman avec la sauce soja. c'est génial. C'est incroyable. Et en plein milieu de l'interview, il ouvre sa 8-6, quoi, il a une canette de 50 centilitres qui s'ouvre et hop, il boit sa petite bière tranquille pendant qu'il parle de ça. Donc c'est assez surréaliste, c'est vraiment du coup l'ambiance d'Evolver, on y reviendra un peu, c'est un peu leur marque de fabrique au niveau marketing, au niveau com. Et à un moment, il montre justement Cocaine Cowboys, qui était une version encore plus basique au niveau visuel de Hotline Miami, si vous pouvez l'imaginer, parce que Hotline Miami, c'est quand même très recherché, on y reviendra. Et là, c'était vraiment super basique, quoi. Tu jouais un type à poil, il volait les fringues en fait, des types qui tuaient pour essayer de devenir plus fort. Et au début, et si t'étais tout nu, t'avais des bonus sur les dégâts et tout ça. Ça ressemblait à rien, il n'y avait pas de musique. Non, mais voilà, c'est, pas... esthétiquement, c'était vraiment très très simpliste. C'était, ça, c'est vraiment un proto, quoi. Ouais. Et ça n'a pas du tout l'esthétique d'Hotline Miami, ni les feedbacks et compagnie. Mais voilà, c'est très facile à trouver hein, sur internet. Donc si vous avez cette curiosité-là, vous pouvez le voir. Et vous pouvez vous demander si, voilà, est-ce que vous, à la place de Devolver, vous dites, mais bien sûr, ça va être des millions, c'est sûr et certain. Voilà, c'est pas forcément évident. Donc clairement, ouais, ils ont eu du nez. Si vous la trouvez, je sais plus si tu l'as dit, le nom de la chaîne YouTube. Complexe. C'est Complexe. Ouais, okay. Complexe Magazine, hein, je crois qu'ils font du rap hein, là-bas, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Hein. On voit les connaisseurs. Sachant que si vous cherchez Cocaine Cowboy dans YouTube, vous risquez de tomber également sur un documentaire. Oui, dont ils sont inspirés. Parce qu'en fait, ils avaient repris le nom d'un docu, c'est pour ça qu'en fait, ça s'appelle finalement Hotline Miami. Mais du coup, voilà, si vous cherchez Cocaine Cowboy Game, a priori, vous allez tomber sur du gameplay hein, facilement. Et du coup, donc après cette rencontre avec Devolver, Devolver dit bah c'est génial hein, malgré ce que on peut en penser. Ils ont dit mais bon évidemment hein, pour en faire un jeu plus ambitieux, il va falloir travailler un petit peu dessus. S'en suivent donc 10 mois de développement. Après la signature en fait, après, voilà. le jeu ils avaient quand même un petit peu avancé dessus hein, oui, comme tu l'as dit tous les deux. Mais voilà il y avait quand même quelques niveaux, je crois qu'il y avait une dizaine de niveaux. Ouais. Et puis après ils ont vraiment itéré dessus pendant 10 mois. C'est ça. Ils ont fait aussi la recherche de musique et compagnie. Donc eux ils écoutaient donc la musique qu'ils aimaient sur Bandcamp, et après c'est Devolver qui signait les contrats avec les artistes, donc il y a eu tout ce processus-là, ça a duré 10 mois, et le jeu a été un gros succès, hein, déjà dans un premier temps sur les salons où il était exposé, il a gagné le jeu de l'année à Resd, à Brighton, face à Mass Effect 3, Halo 4... Et du coup, ouais, bah, ça, ils ont vécu vraiment un gros changement, parce qu'ils sont passés vraiment de leur garage suédois, parce que c'est vraiment littéralement ça, hein, vraiment, Denathan, c'est vraiment deux gugus dans leur petite chambre, ils vivaient ensemble, ils le racontent d'ailleurs dans le documentaire, hein, c'est ouais, vraiment... Oui. Vie de couple un peu entre guillemets avec leur petite guitare accrochée au mur et là ouais ils sont passés au milieu de salons, au milieu de gros monstres du jeu vidéo de l'époque hein, parce que Mass Effect c'était quand même huge à ce moment là et eux ils se retrouvaient au milieu et tout le monde venait jouer à leur jeu donc ils ont vécu un truc incroyable et après ça a été encore pire avec la sortie parce que là bah voilà le jeu a quand même vraiment été un succès critique et commercial en plus puisque je crois c'est monté à plus d'un 2 millions voilà, de ventes et il a été sélectionné pour les jeux de l'année chez IGN aussi donc toujours face à Dishonored, à Halo 4 et compagnie, et c'est Journey qui remportera le titre du meilleur jeu de 2012. Vraiment, c'est voilà, deux jeux identiques. Ouais, c'est clones près le même. Hein. Non mais justement, ça on aura l'occasion d'y revenir dessus, mais c'est intéressant de voir qu'en 2012, il se passe quand même pas mal de choses au niveau du jeu indépendant, on en a parlé quand on parlait justement de l'épisode qui était consacré à Journey, et là Hotline Miami, ça a pris un peu tout le monde par surprise, parce qu'il y a eu cette espèce de hype qui est montée justement avec les différents salons, et quand c'est arrivé, le nombre de ventes, c'était quand même assez incroyable. Parce que je pense que même eux, s'ils savaient que le jeu allait bien fonctionner, les notes notamment, ça a beaucoup joué. Je pense que le jeu, il est à plus de 80 sur Metacritic. Ouais. C'est quand même déjà, on va dire, la cour des grands au niveau des jeux vidéo. Les AAA, ils vendraient père et mère pour être dans le 80+. Donc là, quand c'est juste deux petits bonhommes qui arrivent de Suède et qui le font, ben, c'est assez rigolo et les gens, ils ont suivi, quoi, tout simplement. Eh ben, on va pouvoir maintenant passer vraiment au jeu. On va rentrer comme d'habitude dans le truc avec son histoire. Alors, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que l'histoire d'Hotline Miami, elle est très décousue. Il y a volontairement pas mal de flous qui sont pas mal de zones d'ombre en fait qui sont laissées dans le scénario. Donc, c'est pas forcément évident de tout retranscrire, mais on va quand même essayer. Ce qui est important de retenir, c'est que le jeu s'appelle donc Hotline Miami. Pourquoi ? Parce que ça se passe à Miami, mais c'est le Miami des années 80. C'est le Miami de Scarface. C'est le Miami de Miami Vice, les deux flics à Miami. C'est Vice City aussi. Ouais, hein, ouais, je pense que dans le jeu vidéo, si on doit retenir qu'un seul titre qui reprend cette iconographie, c'est quand même vraiment lui. Et puis, comme on le disait, le jeu à la base s'appelait Cocaine Cowboys en référence à un docu sur cette période-là. Ouais. Et qui décrivait bah, justement vraiment ce qui se passait à Miami, c'était l'afflux de la cocaïne qui rentrait justement via les cartels d'Amérique du Sud et qui se déversait dans l'Amérique via ce port d'entrée, hein, Port of Miami, album de Rick Ross. qui s'appelle comme ça en hommage à cette situation. Mais et voilà, donc c'est vraiment la guerre des gangs qui se disputent en fait tout l'argent que va générer cette drogue qui va inonder les États-Unis. Et dans ce contexte-là, ils reprennent toute cette imagerie hein, avec les costumes, les costards blancs, les chemises ouvertes, les Uzi dans le slip. Voilà, c'est vraiment toute cette imagerie qu'on connaît tous en fait, qu'on a tous réussi à intégrer dans nos têtes. Alors je pense que Scarface n'y est pas pour rien, mais voilà, c'est plein de séries et de cinéma qui ont rapproché ce truc-là. Au hasard, Deux flics à Miami. Ouais, voilà. Ouais, de toute façon, c'est ça, c'est Miami Vice, hein, Deux flics à Miami, oui, c'est ça. Ça fait partie de ces trucs où, à chaque fois que t'entends des Américains parler des années 80, la drogue est mentionnée. C'est-à-dire que pour eux, c'était vraiment un truc qui, à l'époque, était devenu vraiment... Là, ils parlaient de la guerre contre la drogue. Il y a tout un tas de séries que je vous invite à regarder, les Narcos, etc., qui reviennent justement sur l'évolution, vraiment la transformation des trafics de drogue pour devenir des trucs complètement mondiaux. Et la Floride, c'était vraiment, en fait, ils étaient littéralement inondés. Hein. C'était des tonnes et des tonnes de drogue qui se déversaient chaque semaine par des moyens plus ou moins. Alors évidemment, là, c'est tout le folklore. Les avions, les hydravions, les paquebots, les voitures avec la drogue dans les pneus. Enfin, voilà, tous les stratagèmes qu'ils ont pu imaginer. Et du coup, ils ont choisi, Denaton, de prendre ce cadre-là, qui n'est pas le cadre le plus chill de l'univers, pour en faire un jeu extrêmement violent, puisque c'était ça leur objectif. Ouais, c'est ça. Ultra violent. Exactement. Et du coup, dans ce contexte-là, il y a une organisation secrète, ils dépeignent une espèce d'organisation où les dirigeants sont masqués. Il y en a un qui a un masque de coq, il y en a une qui a un masque de cheval, l'autre un masque de hibou. Et cette organisation-là, elle se met en tête de nettoyer un petit peu tous les repères de mafieux en faisant appel à des gugus un peu random, en leur envoyant un petit colis avec un masque, un petit message. Il leur passe un petit coup de fil, il leur dit « bon, voilà... » Un coup de fil, il est là. Un coup de fil, il est là, et hop, va tuer tel mec. Et c'est ce qu'on va jouer... puisque le personnage qu'on incarne, on connaît directement son entrée en scène, puisque on reçoit le colis, le premier niveau commence comme ça, on répond au téléphone, on chope le premier masque, et on va donc à l'adresse qui nous est donnée, et on va tout simplement faire un carnage, massacrer tous les mafieux qui sont dans leur repère, et le jeu va se répéter, vraiment, c'est vraiment une routine qui va s'installer, puisque tous les niveaux se passent comme ça, on nous appelle, on y va, on met le masque, on massacre tout le monde, et on rentre à la maison pour manger des pizzas. Concrètement, c'est vraiment la boucle du jeu. Et l'histoire est assez simple, c'est-à-dire, dans un premier temps, elle est assez simple. On va remonter les échelons de la pègre jusqu'à revenir à un des parrains du coin, un petit vieux qui est dans son fauteuil, là, qui est au bord de son balcon. Qui gardé par une ninja avec des panthères. Exactement, voilà, on est et à un Miami, mec avec hein. deux usines. Et on va le tuer, et le jeu se termine là-dessus, ou en tout cas, c'est ce qu'on croit, parce qu'au final, ça va rembobiner, et on se retrouve à incarner un autre personnage qu'on avait croisé, justement, avec Jacket. Hein. Jacket, c'est le personnage principal hein, qui a été appelé comme ça d'ailleurs par la communauté, tout simplement en se basant sur les artworks de El Huervo, parce qu'il avait une jaquette, hein, les espèces de... Ouais, c'est ça, il avait son petit blouson d'universitaire, tu sais, avec le gros logo comme ça, le gros B avec une grosse typo, et du coup, comme c'était El Huervo qui l'avait dessiné et que c'était le seul artwork qu'on avait, les gens l'ont appelé jaquette, et parce que dans le jeu, en fait, on le voit jamais, on le voit jamais sous un autre angle, on voit simplement les masques qu'il peut mettre, mais on le voit dessus, donc on voit pas le logo B, du coup, c'est pas possible. C'est El Huervo qui l'a interprété, mais en tout cas, voilà, Jacket, on ne joue plus Jacket, on va jouer justement Biker, et Biker, c'était un personnage qu'on avait rencontré pendant un niveau, d'ailleurs, les mecs au masque nous avaient dit, il y a un mec qui a fait un prank call ou je sais pas quoi, enfin bref, il y a des conneries, va voir, et on tue Biker, mais cette fois-ci, on revient, on incarne Biker, on comprend que lui, il essaie de sortir de l'organisation des masques, c'est-à-dire que lui aussi, il a été envoyé faire du nettoyage, jouer les Léons de Miami pour tuer des mafieux, mais il essaie de sortir ce truc, donc il ne met plus de masque, il met un casque de moto, et on va revivre la même scène de combat face à Jacket, mais sauf que cette fois-ci, c'est Biker qui gagne, donc déjà là, il y a un problème hein, vraiment de timeline, parce qu'il y a un événement, il y a deux timelines qui sont contradictoires, puisque dans l'une, il y a Jacket qui va jusqu'au bout de la pègre, et dans l'autre, il est mort, et là, Biker, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver à redescendre hein, jusqu'au point central, en fait, au point névralgique qui émet les messages, et ce point-là, il est dans un souterrain, c'est deux espèces de concierges qui traînent le truc et en les confrontant, ils nous racontent qu'ils sont responsables d'une organisation qui s'appelle 50 Blessings et qui veulent remodeler l'Amérique à leur image. Alors il y a un petit peu un délire un peu pseudo-patriotique. Hein, oui, quand tu fais la fin, alors pas alternative, mais en tout cas quand tu réunis les secrets qui sont des petits pixels, des petits pixels cachés dans les niveaux et t'as un mot de passe à reconstituer, c'est genre I was born in the USA et je crois que ça débloque quelques lignes de dialogue où ils disent que ce sont des patriotes. Ouais. Mais bon, c'est pas un sous-texte. qui en dit plus, beaucoup plus que ça, quoi. Ça. Ce qui est important à noter, en revanche, c'est que les deux concierges, bah, ils sont modélisés, leur tronche, c'est celle des deux développeurs, hein, donc de Jonathan et Dennis. Et là, ils vont nous discuter, ils vont nous confronter sur notre rapport à la violence en nous demandant, bon alors, t'as kiffé faire tout ça ? Oui, on t'a envoyé, mais est-ce que t'as pas un peu aimé ça ? Donc, il y a un petit côté quatrième mur qui se casse, parce que là, on a l'impression quand même qu'ils parlent directement à nous. Et on peut éventuellement y voir ça comme une réflexion un petit peu sur la violence et le plaisir qu'on a pu éprouver dans le jeu. C'est pas du tout un délire à la Spec Ops The Line où là, le jeu va vraiment nous faire réfléchir. Il n'y a pas de culpabilisation, hein, ouais. Vraiment, il n'y a pas du tout cette idée de « Oh là là, pointer du doigt, t'as été méchant, t'as fait ce qu'on t'a dit et en fait, il fallait pas. Ouais. » Là, ils sont plus dans quelque chose d'un peu plus léger, de te faire réfléchir. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que quand tu referas le jeu, bah, tu peux toujours te dire « Tiens, je vais prendre tous les dialogues en m'imaginant qu'ils sont adressés directement à moi, joueur ou joueuse. » Et dans ce cas-là, tu te dis « Ah oui, ok, il y a peut-être un petit sous-texte un peu différent. » Mais c'est pas trop poussé, c'est pas trop mis en avant, puisque justement ils veulent un jeu qui est surtout très nerveux et pas qui prend trop de place, qui laisse trop de place à la narration. Et du coup, c'est l'occasion de se pencher un petit peu sur les références. Ils citent, donc il y a la première qui est beaucoup plus esthétique, hein, c'est évidemment Drive, qui est sorti en 2011. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le film où Ryan Gosling met une... Enfin, il a sa petite jaquette assez emblématique. Scorpion, qui est très connu, hein, l'image maintenant. Pas du tout beauf. Et, c'est vrai que le parfum Scorpion, hein, c'est pas mal là-dessus. Image. Et il met un casque en latex et il va tabasser des gens. Donc c'est un peu cette scène, le jeu. Mamie, un petit peu ça. Je pense, j'aimerais y revenir plus tard, mais en plus, il y a tout le côté un peu synthwave, hein, qui a été lancé par le film et qui est assumé par le jeu, mais on pourra parler de cette période un petit peu après. Et dans les autres inspirations, il y a aussi évidemment Lynch, notamment les moments où on arrive, tu t'en parlais tout à l'heure, ceux qui ont le casque de cheval, de chouette et de. Ouais, en fait, on discute avec eux, d'ailleurs, c'est même la première scène du jeu, hein, même, je crois que c'est. Non, c'est pas pendant le tuto, c'est juste après. Mais on arrive dans une salle qui est un peu hors du temps, hors de l'espace, un petit peu onirique, il y a des mouches qui passent devant la caméra, c'est un petit peu bizarre. C'est une musique un peu crado, tu sais, avec un son super saturé de guitare et tout. C'est vraiment dérangeant. Ça grogne un peu comme ça. Ouais, t'arrives vraiment dans une salle comme ça, ça peut te renvoyer des trucs comme Twin Peaks où il y a des scènes un petit peu surréalistes. Et aussi, toujours pour Lynch, cette notion de timeline contradictoire qui fait que c'est un petit peu compliqué de démêler le vrai du faux. Il y a toujours une matière à décrypter. Voilà, ça aussi, c'était une grosse source d'inspiration. Tu sais jamais en fait, est-ce que ce qu'il a vécu c'était vrai ? Est-ce que c'était l'autre version ? Est-ce que les deux versions ne seraient pas finalement le fruit de l'imagination d'un autre personnage qu'on n'aurait jamais imaginé ? Bref, l'idée c'est de laisser le spectateur vraiment dans le doute, tout simplement. Ça permet de créer cette ambiance vraiment un peu. Oui. Et puis il y a ce côté un peu hypnotique aussi qui rentre là-dedans, enfin les niveaux qui flottent un peu dans cette espèce de grosse matière un peu violacée, cette espèce de néant sur lequel on peut marcher d'ailleurs, on peut parfois faire un peu le tour des bâtiments, mais bon tu rentres toujours par là où il voulait que tu rentres. Mais puis il y a aussi quand il rentre de ces massacres, il passe toujours chez le même mec mais qui tient différents magasins, donc il y a un côté un peu hallucination, tu vois, on sait pas, c'est pas logique que ce mec là il tienne une pizzeria, un vidéo futur et une sandwicherie. Mais par contre, pendant ces moments-là, tu vas croiser des espèces de macabées, des images parfois qui, tu sais, à un moment, tu peux voir un cadavre par terre, ça grésille, et puis après, tu vois juste plus que la tache de sang. Donc, il y a un côté un peu hallucination constant, et voilà, on ne sait pas, comment démêler le vrai du faux, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il hallucine, c'est... Il y a ce côté-là et qui peut renvoyer à Lynch aussi. Ouais. Et sinon, en référence, j'avais oublié, je reviens un petit peu à l'esthétique, mais il y a aussi un autre film de... Alors, j'ai oublié le nom du réalisateur de Drive, Hugo. Nicolas Winding Refn. Merci. J'oublie tout le temps, vraiment, tu le dis, tu vois, je... ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Bah, c'est à cause de Death Stranding, hein, que je connais maintenant. Et il a fait un autre film qui s'appelle donc Bronson, et il y a aussi, alors le film n'a pas vraiment cette esthétique, mais vraiment une scène, enfin en tout cas un moment dans le film, une succession de scènes où c'est vraiment des gens qui se tabassent dans des hangars sur fond de musique électronique, et il y a même un moment un chien qui arrive, enfin bref, ça m'a un petit peu renvoyé à ça. Donc, De toute façon, dans toute sa filmographie, il a une esthétisation comme ça de la violence, mais tu sais, une sublimation comme ça de la violence qu'on retrouve dans toute sa filmo, et je pense que quand tu penses à Hotline Miami, on n'est pas vraiment éloigné de cette manière de sublimer un peu comme ça. Après, dans Drive, il y a un côté un peu plus chill, tu vois, c'est justement ce qui fait la recette de Drive, tu vois, il y a une vraie violence brute, et à côté de ça, tu vois, il y a des moments un petit peu plus doux, et c'est d'ailleurs, on va pas trop s'étendre sur Drive, mais t'as une scène assez emblématique de Drive, où il tabasse vraiment sauvagement quelqu'un dans l'ascenseur, et juste après, il embrasse, tu vois, la fille, et c'est un petit peu ce genre d'équilibre. Drive, je pense que c'est le plus grand public de toute sa filmo, parce qu'il y en a, c'est juste chez Chéper, hein, Valhalla Rising, oui, c'est spécial, faut bien se caler dessus, quand même. Mais du coup, pour revenir à Devolver, comme tu le disais, Benoît, effectivement, je pense que l'histoire, elle est assez anecdotique, et je pense dans l'expérience elle l'est vraiment beaucoup, parce que c'est un jeu qui raconte ce qu'il a raconté vraiment par ce qui se passe dans ta manette, quoi, et dans tes mains. C'est là que Hotline Miami s'exprime, et ça marche, bah, déjà parce qu'il y a un gameplay qui est assez simpliste, on va dire, hein. C'est simple à manipuler, hein. Tu manipules juste le personnage, tu peux manipuler un peu la caméra, il y a un bouton pour ramasser les trucs et pour les lancer, je crois que c'est le même, ouais. Il me semble. Ouais. T'as un bouton pour utiliser ce que tu as dans les mains. En général, ce sont des armes. Donc, soit c'est une arme de poing et c'est tabassé à coups de batte, soit c'est une arme à feu et c'est tiré. Et puis, il y a un autre bouton qui est important, c'est le bouton achever. Et là, tu sais que dans ton schéma, avec que quelques boutons, il y en a un qui est fait pour achever. Tu sais que tu rentres dans un délire un peu particulier quand même. Sachant que dans le tuto, en plus, c'est vraiment, tu vois, c'est marqué de manière très crue. C'est le premier message que le jeu te dit, une fois que t'as vu les logos, c'est je vais t'apprendre à tuer. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très. C'est évidemment volontaire, hein, de la part du studio de faire ça. Ça permet en fait de directement, tu vois, passer une espèce de pacte avec les joueurs en ouais. disant bah voilà, tu sais pourquoi t'es là à lancer le jeu, tu vas tuer des gens et on va t'expliquer quand ils sont pas morts, il faut continuer de leur taper dessus jusqu'à ce qu'ils soient bien morts et qu'il y ait du sang partout, quoi. Donc vraiment le jeu il fait pas dans la dentelle dès le début, mais par contre c'est vrai qu'il a des contrôles finalement assez simples. Tu peux cibler les gens également. Ouais. Alors même s'il y a des contrôles simples, voilà, full disclosure, moi je n'arrive pas à jouer à Hotline Miami, je ne suis jamais arrivé jusqu'au bout. Alors pourtant je connais bien le jeu vu que je commentais du speedrun. Mais toi t'aimes pas les jeux durs aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais les jeux un peu trop compliqués comme ça, moi j'ai du mal. Je sais pas pourquoi Hotline Miami, je me l'explique pourquoi pas. Lui spécifiquement, parce que bon. J'ai jamais réussi à rentrer dedans, que ce soit à la manette ou à la souris, j'y arrive pas dans les deux cas, donc bah tant pis, voilà, c'est pas très grave, ça m'a quand même. J'aime bien le jeu malgré tout, c'est juste que je sais que je pourrais jamais le terminer. Mais en tout cas, voilà, les contrôles sont simples et surtout ils sont repris, alors c'est jamais dit vraiment très clairement, mais pourtant nous ça nous y a fait penser tout de suite au ce qu'on appelle les 3C de GTA, GTA ouais. 1 et GTA 2, c'est-à-dire les 3C, c'est un truc de base de game design, c'est la caméra, les contrôles et le caractère, le personnage. Ouais. Voilà, donc les capacités qui sont associées en fait ouais. à ton personnage. Et donc ça, ces trois éléments-là, en général, c'est ce qui vous permet de base de définir un jeu, parce que si vous savez quelle est la caméra, quel est le personnage, comment on se contrôle ce personnage, vous avez déjà une idée très claire de comment le jeu il va fonctionner. Et GTA, si jamais vous vous souvenez de GTA 1 et GTA 2, c'était vraiment déjà cette idée-là, un petit personnage qui bougeait, on voyait juste ses petites jambes qui se déplaçaient comme ça, et on était déjà dans une idée de monde ouvert, et il y avait ce côté violence gratuite qui était vraiment très présent, puisque GTA dans le 1 et le 2, il y a vraiment une tonalité qui est très différente de ce qu'ils ont apporté avec GTA donc San Andreas, Vice City et GTA 3 qui se prenait un peu plus au sérieux, qui a apporté toute la partie satirique un peu plus acerbe, on va dire un petit peu plus de la critique, alors que là dans les deux premiers c'est vraiment du délire, bête et méchant, voilà. C'est bête, je te dis, c'est super cliché, il y a trois gangs qui viennent de trois pays différents et toi tout ce que tu dois faire c'est les tuer, les seules différences, ils se ressemblent tous, la seule différence c'est leur costume, tu vois, qui change, donc on est vraiment dans une iconographie très basique, et c'était évidemment le GTA qui était décrié dans les années 90-2000 par toutes les associations comme étant le jeu ultra violent et tout. Donc c'est vrai que quelque part quand tu te dis les gars de Denaton qui ont voulu faire un jeu ultra violent, c'est pas choquant qu'ils soient partis de cette base là pour aller encore plus loin. Oui. Alors mis à part le fait que dans les GTA il y avait quand même toute la partie conduite, là cette fois-ci on va vraiment se concentrer sur les gunfights, on va dire vraiment la partie action qu'on pouvait trouver dans les GTA, puisque le jeu est très simple, hein, vraiment on va rentrer dans des appartements qu'on a comme ça en vue du dessus top down et il va falloir tout simplement buter toutes les personnes qu'il y a dans cet appartement. Ça va fonctionner d'abord avec les... Il y a un espèce de mélange qui est assez intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a une partie quand même très action, assez frénétique, où on va devoir avoir, tu sais, réagir au bon moment, taper au bon moment, tirer au bon moment, arriver à viser. Mais il y a aussi une petite partie, alors je dirais pas infiltration, parce que ce serait peut-être un petit peu grossier quand même de le dire comme ça, mais malgré tout, il y a un petit jeu qui peut s'installer avec le comportement des ennemis, puisque ils ont tous des comportements, une IA un peu particulière, qui va réagir, par exemple, notamment si on tire, là, ça va pouvoir attirer du monde. Donc c'est vrai que dans les niveaux on va souvent commencer un petit peu à massacrer tout le monde avec les armes blanches et puis après on peut passer en mode arme à feu pour continuer à jouer comme ça, quoi. Puis t'as un petit côté aussi planification en fait, du coup c'est pas de l'infiltration, mais tu vois le niveau, tu vois un peu le comportement des IA et là tu commences à te faire ton petit plan dans la tête. Donc parfois tu y vas juste en complètement bourrin, puisque c'est vraiment die and retry, hein. On meurt d'un coup, nous on les tue en un coup, et si on meurt on recommence directement, donc clairement l'approche bourrine elle est complètement permise, mais il y a quand même des moments où tu vas avoir des ennemis qui sont assez éloignés et c'est là que le coup de la commande d'éloigner la caméra pour voir un petit peu plus loin est utile, et il va falloir planifier un petit peu ses actions. Et comme on l'a dit, parfois il y a des gens qui sont à terre, donc soit quand on les conne, quand on jette une arme, arme ou quand ils sont frappés par une porte. Oui, c'est vrai que les portes mettent pas mal de monde à ça dépanne. Hein. Des fois, en plus, tu sais, comme ça se met à bugger, tu peux avoir 6 ou 7 personnes d'un coup. Bloqué dans la porte, tu sais même plus lequel étrangler. Mais par contre, c'est trop dangereux. Si t'en as genre 4 par terre, tu vois, t'as pas le temps d'achever le premier, le dernier, il va déjà se relever, donc c'est un peu compliqué. Mais ça peut être pris en compte. Tu dis, bah là, je jette mon arme, hop, j'en tue un autre pendant ce temps-là. Ensuite, je vais achever le mec sur qui j'ai jeté mon arme. Donc t'as cette rythmique un petit peu qui est imposée par le jeu. Et le côté puzzle aussi, parfois, il atteint vraiment son paroxysme. Il y a des boss qui ont des patterns, va falloir comprendre un petit peu comment ils réagissent. Il y a vraiment un moment avant le boss de fin, quand on est dans la première timeline, où il y a un mec avec un double barrel shotgun. Et à ses côtés, à gauche, à droite, il y a les gros mecs qu'il faut vraiment tuer soit au shotgun, au corps à corps. Parce que normalement, il faut beaucoup pour les tuer, contrairement aux autres. Ils sont beaucoup plus résistants. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs typologies d'ennemis. Hein. Il y a vraiment les mafieux de base qui sont habillés en blanc. Il y a ces espèces de gros vigiles qui sont beaucoup plus solides. Et eux, bah, tu ne peux pas te permettre de les attaquer au couteau. C'est vraiment peupon dans la tête. Et puis, il y a les chiens aussi, qui ne se traitent pas au point comme le reste des ennemis. Et du coup, là, ce moment, il faut vraiment assommer le mec devant nous, tuer le gros en one shot qui est à gauche, tuer le gros en one shot qui est à droite. On n'a pas de balles supplémentaire. Du coup, si on a raté une, c'est perdu, il n'y a pas de possibilité de gagner. Ensuite, on achève le mec à terre, et voilà. Donc il y a vraiment ce petit côté puzzle, mais qui est pas non plus dans tous les niveaux. Ce qui fonctionne bien en fait dans la rythmique de Hotline Miami, j'ai trouvé, c'est que comme au fur et à mesure de tes échecs, puisque tu vas perdre des dizaines et des dizaines de fois, c'est une machine à sous, tu recommences instantanément, tu remets une pièce et ça repart tout de suite, c'est que tu vas apprendre petit à petit le positionnement des gens. Donc tu vas rester dans une espèce de planification, mais une planification bourrine, c'est à dire que tu vas vouloir passer en force, tu vas pas vouloir passer en finesse, on n'est pas dans un Metal Gear Solid où tu dis je vais glisser derrière et tout. Là tu veux passer en force, mais en ayant prévu tout, c'est à dire que tu sais à chaque fois, enfin je sais pas si vous avez fait ça, mais à chaque fois que je recommençais, c'est je sais que là le premier il se prend la porte, je tire dessus, je tire sur l'autre, et ensuite c'est la merde mais ça va passer, tu vois. C'est peut-être pour ça que t'es pas allé bien loin dans le jeu, faut prévoir un peu plus loin. Non mais j'essayais de prévoir globalement en me disant je vais essayer de faire ça, mais comme les ennemis, et ça c'est un truc qu'on n'a pas encore dit, mais ils ont quand même une part d'aléatoire dans leur comportement, c'est à dire que des fois tu vas tirer, personne ne va venir comme si t'avais pas entendu, des fois tu vas péter un peu fort, les mecs ils vont venir directement. Des fois tu vas juste rien faire et tu vas tirer à côté de leurs oreilles et ils vont même pas se retourner. Des fois tu vas juste, tu vas faire et hop, ils se retournent, ils te tuent, parce que évidemment les ennemis, leur particularité c'est qu'ils visent très très bien, donc si tu fais une erreur tu es mort instantané. Et donc ça c'est vraiment une particularité du jeu. Donc je trouve qu'ils arrivent en fait à nous pousser à cette planification tout en ayant une part constante d'improvisation et de toute façon j'ai envie d'y aller et j'ai envie d'être bourrin. Et donc en fait ils entretiennent la violence du joueur en justement en mettant ces règles-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une espèce de petite incertitude par rapport au personnage, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de flottement constant un petit peu dans sa manière aussi de se déplacer. Il se déplace toujours par rapport à son point de vue, donc il fait un peu une espèce de moonwalk du Justin Timberlake en se baladant comme ça dans les niveaux, mais aussi l'allonge des armes, la portée par exemple. Je sais que le couteau, il a une portée assez craquée, c'est une des armes les meilleures du jeu, limite mieux que le katana, parce qu'il y a un peu plus de... on va dire de cooldown. Il y a pas de recovery, je pense, entre deux coups de couteau. Les attaques, c'est vraiment c'est un ventilateur qui est devant toi et qui bute tout ce qui passe devant quoi. Et du coup c'est vrai que t'as cette espèce de petite imprécision, parfois tu connais pas toujours très très bien les hitbox, et je pense que là aussi ça participe à te faire rentrer un petit peu dans cette espèce de frénésie meurtrière, surtout essai après essai, parce que t'as envie que ça aille plus vite, parce que tu veux encore plus vite aller tuer ce premier ennemi, patati patata, et tu rentres dans ton espèce de routine. Mais le problème c'est que si tu décales ta petite routine d'une petite, demi-seconde, les ennemis, eux aussi, leur routine, elle a un tout petit peu changé, et du coup, tu seras peut-être pas à la bonne portée, et cette fois-ci, le mec, il aura le temps de se lever, te tirer au fusil à pompe, et ça marchera plus, et du coup, tu rentres dans une espèce de délire un petit peu comme ça, pas dans l'énervement, mais tu sais, vraiment dans une espèce de frénésie comme ça, et je trouve que le jeu arrive très facilement à te faire rentrer dans cet état-là, quoi. Ouais, parce qu'on vient de citer pas mal de trucs qui pourraient être vraiment frustrants, tu vois, on disait le côté aléatoire des ennemis, le fait que il y a un petit peu l'angle évidemment l'angle de ton personnage, la portée éventuellement des armes, mais finalement il y a une telle ambiance avec notamment la musique, qui aura droit son point d'honneur, mais au niveau de l'ambiance, au niveau de la musique, le fait que le retry soit très rapide, les niveaux sont jamais très longs aussi, donc ça participe à ça. Au final tu passes plutôt un bon moment dans l'ensemble, où il y a aussi cette frénésie, on a pu reparler un petit peu de flow à l'époque d'Hotline Miami. Et puis moi clairement il y a des parties de mon plan un petit peu comme disait Benoît, où au début, ok, je gère, et après, il y a vraiment une partie de mon plan, c'est juste, bon, là, je mitraille le couloir, il y a trois mecs, ça passe ou ça passe pas, écoute, je vais le faire jusqu'à ce que ça passe, il n'y a pas besoin de planifier, et si ça prend 10 essais, c'est pas grave, c'est pas un souci. Ouais, parce que tu passes pas énormément de temps, hein. Tu vois, moi, je compare ça un peu au côté d'Ain Retry d'un Super Meat Boy, ouais. Où tu vas mourir, hop, tu prends une roue dentée, bon, tu meurs, tu vas mourir peut-être 100 fois sur un niveau, voire 200 fois, et à la fin, tu le passes, mais le temps que tu as passé réellement dans ce niveau-là, entre le moment où tu as commencé ou le moment où tu as réussi, c'est peut-être 20 secondes, 30 secondes, parce que tu passes juste à chaque fois un seul étage. Et je pense qu'on peut parler de la musique, parce qu'en fait, tout ce qu'on a décrit là, en général, les gens pensent d'abord à la musique de Hotline Miami. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a déjà toutes les règles du jeu qui installent une espèce de rythmique, et la musique ne fait que, en fait, englober le tout. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est ça, en fait, le dernier liant, le dernier, on va dire, levier que le jeu utilise pour te rentrer, toi, dans cette frénésie-là. Puisque la musique ne s'arrête pas entre deux essais, elle ne recommence pas de zéro à chaque fois. C'est très important. Ouais. Vous verrez, il y a tout un tas de jeux. Dans le mood, ça reset la musique. Je pense que il y a quelque chose qui fait que toi, en fait, tu ne perds pas le fil et tu recommences aussitôt. Tu es toujours dans la musique va monter, va descendre, etc. Et par exemple, tu vois, bon, évidemment, on va citer Dark Souls, je suis obligé contractuellement de le faire à chaque épisode, mais quand tu meurs et que tu reprends, la musique reprend du début. Donc le duel reprend du début. Là, c'est différent. La musique continue que tu meurs ou que tu perdes. Et du coup, la musique a été d'ailleurs soigneusement choisie par les développeurs pour avoir un certain nombre de BPM, hein, donc vraiment de pulsations par minute, pour pousser les joueurs à ne pas avoir un rythme trop calme, ni complètement saturé à base de... C'est pas de l'art style. Non, c'est pas de l'art tech ou des trucs comme ça qui sont trop violents. Mais par contre, ça te maintient dans une espèce d'excitation, de transe même, puisque l'objectif, c'est ça. Le flow, hein, le concept de flow, on pourrait le traduire comme une espèce de transe, quelque part, puisque c'est l'idée que quand tu fais une activité, peu importe qu'elle soit jeu vidéo, de la lecture ou quoi, tu arrives à un état de concentration tel que tu ne ressens plus l'écoulement du temps de la manière habituelle. Tu vas rentrer dans ton bouquin et tu vas lever le truc et hop, le soleil va être en train de se lever. Tu vas lancer un jeu, tu vas te dire je fais un tour de plus et ça fait 4 heures que tu joues à Civilization. Enfin voilà, on connaît tous ces moments-là et Hotline Miami a une manière très particulière de nous faire rentrer dans ça et la musique en fait n'est qu'un des éléments de tout ça. C'est pour ça je pense qu'on a beaucoup insisté sur toutes les petites mécaniques pour bien que vous compreniez que le jeu n'est pas juste une bonne musique. Il y a également toutes les règles, tout le GD derrière qui fonctionne et qui va dans le même sens. Ouais, et puis ça s'arrête pas là parce que même en termes de level design, bah là aussi ils ont quand même fait un joli travail. Déjà c'est fait simplement sur Game Maker, hein, donc c'est très très simpliste, mais ça a le mérite d'être très lisible, je trouve, malgré l'esthétique un petit peu néon flashy du truc, qui participe aussi, je trouve, un petit peu ces couleurs très criardes comme ça qui te viennent te tatouer un petit peu la rétine pendant que tu joues. Je trouve que ça marche bien pour entrer dans cette espèce de transe un peu vicié qu'il y a dans le jeu comme ça. Mais malgré tout, ça reste toujours très lisible, hein. Les murs on les voit très très bien. Et puis après ils vont itérer là-dessus. En faisant, ils vont rajouter des vitres par lesquelles les ennemis vont pouvoir te tirer à travers, ou toi tu vas pouvoir tirer à travers, ce qui va te forcer à planifier un petit peu mieux tes actions. D'ailleurs, il y en a qui peuvent te tirer de très loin, hein, à travers des vitres. Ouais, hein, si ça, tu les gars au M16, ils sont vraiment très violents. Hein. Ouais, tu rentres dans une salle et piou, très bien, je suis mort. C'était ça. Et puis après, forcément, les niveaux vont grandir, ils vont être de plus en plus. Comment dire ? Pas labyrinthique parce que c'est pas le bon mot, mais avec plein de petites salles, des petites choses. T'as des mecs qui sont dans des petites cabines de contrôle et puis ils ont une vitre d'un côté et des trucs comme ça. Et là, ça va nous lancer dans une des mécaniques qui est très importante dans le jeu, c'est vraiment jouer avec les angles de tir, c'est-à-dire comment je me déplace par rapport à un mur, la porte, sur quel mec je vais tirer en premier pour pouvoir continuer après et pas me prendre une balle par derrière. Donc là aussi, il y a toute cette rythmique là qui se met en place. Ils arrivent bien à renouveler aussi. Ouais. Donc d'une part, le level design où il y a vraiment des propositions qui sont différentes. Benoît, je me souviens, tu parlais à un moment, t'as vraiment cette scène dans le restaurant où vraiment t'as, en fait, à droite t'as juste une petite salle avec des armes et un mec, je crois. Pour le stock. Et à gauche, du coup, t'as juste un grand resto où t'as peut-être 10 mecs, tu vois, qui ont tous des armes et qui te flinguent d'un bout de l'écran que tu vois pas. Donc toi, en gros, t'arrives, hop, tu fais une petite rafale, tu vois un peu qui meurt, tu retournes à la salle où il y a les armes, tu refais le plein, tu regardes la caméra, tu dis combien il en reste, parce que eux, évidemment, ils se mettent en planque derrière des tables. Ils ont des comportements qui, pour le coup, sont assez intéressants. En fait, t'essayes. Là, c'est le moment où t'arroses, parce que vu qu'il joue avec le hors-champ, le jeu aime bien jouer avec ça, avec l'idée de justement, on va te mettre des ennemis que tu ne peux pas encore voir. Il aime bien renouveler justement tout ça comme ça. Du coup, il y a des petites idées, il y a aussi des idées de mise en scène. Il y a ce niveau où t'as un mec au masque qui est en train, je sais pas, de se faire tabasser ou torturer sur une chaise, qui est relié à des bombes, et si on prend une porte, boum, ça explose et on meurt comme ça. Ça, c'est un truc qu'on retrouvera jamais en fait dans le jeu. Il y a évidemment le moment où les flics débarquent. Ça aussi, on croit que le niveau est terminé, et en fait, non, la police arrive. Et sinon, donc ça c'est les renouvellements un peu mise en scène et avant ça level design, et il y a aussi renouvellement par les armes, parce qu'on en débloque quand on fait certains points. Ça, on s'est pas trop attardé dessus, nous, c'est pas vraiment comme ça qu'on joue, mais il y a un système de combo, en fait, dans le jeu, où je pense que plus on tue vite, plus c'est avec des armes différentes. C'est un système de combo, tu sais, c'est vraiment comme dans, je sais pas, dans un Devil May Cry, où t'as un certain temps avant de retaper, et voilà. Tu dois aussi avoir du style, entre guillemets. Je pense que si tu varies tes armes entre les mains, ça doit faire plus de points. Je pense que tu as ça, mais on laisse ça aux vrais gamers. Non, mais en fait, c'est que ça, je trouve ça quand même intéressant, parce que ça te permet d'avoir effectivement une énorme marge de progression, parce qu'au bout d'un moment, cette idée de styliser la violence, c'est toujours quelque chose que je trouve d'assez intéressant et qui est difficile à expliquer aux gens qui ne connaissent pas du tout le vidéo. Tu vois, moi, des jeux comme Bayonetta ou Devil May Cry, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une esthétique incroyable dans la chorégraphie des combats et dans la capacité des joueurs à vraiment exploiter à fond les jeux. Moi, regarder des vidéos de mecs qui font du triple S à Devil May Cry 5, c'est un de mes kiffs, tu vois. C'est, des fois, je vais regarder des vidéos juste pour le plaisir. Et Hotline Miami essaye un peu d'aller dans cette direction. Alors, les animations, le rythme du jeu ne permet pas d'aller vraiment dans ce côté esthétique, mais il y a quand même cette idée que tu dois te pousser. Et moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant avec cette idée-là et cette règle de game design, c'est que le fait de récompenser le scoring, c'est pas pour te dire « Ah bah bravo, tu tues des gens ». Non, c'est pour te pousser à aller toujours vers plus de violence, plus de, comment on appelle ça, d'improvisation, plus un peu de prise de risque. Et donc, ça te pousse toujours dans tes retranchements en tant que joueur, en te dire « Ben, continue, tu vois, genre va plus loin parce que tu pourrais avoir le petit truc en plus, tu peux avoir la lettre en plus, tu peux recommencer, tu peux faire encore plus de travaux. Même concrètement en jeu, c'est un feedback sympa quand tu vois le 7X, tu vois, qui pop parce que t'as tué 7 mecs d'un coup avec ta rafale, t'es là, t'es yes, yes, j'ai tué 7 mecs. Et vraiment dans cette scène là dont tu parles, le restaurant, c'est, vraiment ça, hein, tu rentres, tu fais la grosse rafale de balles, hein, et c'est vraiment ça. Et du coup, à la fin du niveau, on compte les points et les points vont débloquer différentes armes, hein, ça va, je sais pas, d'un katana à une brique, hein. Et puis il y a des armes à feu, hein, j'imagine dans l'eau, je sais plus exactement ce qu'il y a. Donc ça, certains ennemis vont avoir des armes aléatoires ou certaines de ces armes vont se retrouver dans des pièces, donc ça va un petit peu forcer aussi l'improvisation, parce qu'on entre trouver un fusil à pompe et une brique, c'est pas tout à fait la même approche. Et il y a évidemment le gameplay qui est renouvelé aussi avec les masques, puisque à chaque niveau on gagne au moins un masque, on peut en trouver parfois. Alors je crois qu'on peut les ramasser sur les cadavres. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça, le jeu, il te le fait pas comprendre, d'ailleurs, en plus, même dans les pixels, moi je sais qu'à ma première run, j'avais pas du tout fait attention qu'on croisait des mecs avec des masques dedans et tu peux en ramasser. Ouais, en fait, dès qu'ils sont morts, l'exemple est là. Ah, mais je savais pas du tout. Ça fait plusieurs fois qu'on enregistre l'émission. C'est la première fois que vous me dites. Oui, c'est vrai. Il y a de l'impro aussi dans le film. C'est comme toujours très spontané. Oui, parfois tu trouves des cadavres de mecs qui ont un masque. En fait, tu peux les ramasser sur eux et tu peux changer de masque en plein milieu de truc. Non. Mais c'est débloquer un des masques que tu pourras mettre dans un prochain niveau. Ah, parce que là, j'étais en train de me dire, mais je suis complètement à côté du jeu. Je suis passé en partie à côté, mais pas à ce point. Ouf. Non, mais là. Tu peux mettre le feu. Il y a des mécaniques. Après, il y a des sanctuaires qui sont cachés dans un truc. Ah non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Et là, à un moment, tu montes sur un cheval. Non, mais ce qui est intéressant, oui, c'est que les masques, bah, ils ont tous des modificateurs de gameplay, hein, tout simplement. Et nous, notre préféré, hein, c'est évidemment Tony, les points de fer, où tu tues direct avec les points et tu peux faire tous les niveaux comme ça à coups de phalange, parce que c'est ça qu'on aime. Mais aussi, t'as d'autres trucs. Il y en a un, je sais, où ça rend les portes mortelles. Oui. T'en as un où c'était lancé d'armes, je crois, qui sont mortels. T'en as un où tu commences avec une perceuse. Je crois que ça a été... Oui, c'est vrai, oui, c'est la perceuse. Ouais. Ça a été nerfé parce qu'au début, ça faisait trop de points de combo, en fait, je crois. Tu pouvais faire trop de points. Okay. T'as aussi le fait d'avoir une arme à feu directement, parce qu'en fait souvent il y a une arme qui est posée par terre dans pas mal de salles. Voilà. Au début, ça va être des fois t'auras une arme blanche, des fois t'auras une arme à feu. Tu peux garantir le fait que ça soit forcément une arme à feu, etc. Et du coup, ça va te pousser en fait en fonction. Si tu galères un peu sur un niveau, moi je sais que du coup je m'étais dit, vu que je galère, je vais essayer un autre masque. Et un jour, j'ai rencontré deux personnes charmantes. Max et Hugo qui m'ont dit non mais prends Tony et joue avec Tony, tu vas voir, ça marche bien. Ah, tu veux le mode facile, prends Tony. Et c'est clairement le mode facile, hein. Une fois que t'as ça, c'est Surtout qu'il a une allonge sur les bras, le mec. Puis il tabasse, le gars. Comme ça, tu rentres dans des. C'est One Punch Man. C'est littéralement One Punch Man, effectivement. Moi, j'enchaîne comme ça. Enfin, je sais que je fais souvent ça où je rentrais dans les salles, je tue 2-3 mecs comme ça, coup de poing. Je prends le peupon, je me mets dans un vieux traquenard, je tire un coup, je fais allez, et je vous attends, et blah, tu balances une rafale et t'en tues 4. Et voilà. Et moi c'est tout le rap qui ressort, hein, tous mes années à regarder des films de gangsters. Voilà, Hotline Miami, bim, je suis dedans. C'est vrai que c'est un peu plus stylé que de prendre le masque. Qui fait que la porte tue, et moi pareil, parce que parfois j'attendais derrière une salle, mais juste je rentrais, je sortais quand quelqu'un se ramenait, quoi. Ça marche aussi. Là c'est plus Benny Hill-esque, tu vois, c'est pas la même ambiance. Boum, ouais. Et ouais, du coup, y a toute cette frénésie, hein, donc avec les portes, avec les poings, ou Là, avec ça devient très disco, hein, le fameux. Eh ben, y a une discothèque, hein, je crois, dans les. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est un niveau qui est assez intéressant au niveau du level design, puisque du coup, comme il y a la musique qui est très forte, les ennemis, tu peux tirer l'arme à feu autant que tu veux, ils ne l'entendent pas, puisque du coup, il y a déjà trop de bruit à cause de la musique. C'est intelligent, parce que tu vois, le jeu, il est assez court, mais du coup, chaque niveau a quand même, parfois, il y a une petite idée. Et je trouve que, du coup, tu t'ennuies vraiment pas du tout dans le jeu. Et moi, quand je me souviens, quand je l'avais fini, j'avais une envie, c'était de le recommencer parce que j'avais vraiment l'impression de pas avoir encore fait le tour et je voulais continuer à rentrer dans ce truc à l'époque. Et voilà, il est intelligemment court, tu vois. Et je pense que déjà, ça aussi, ça permettait de bien se différencier en 2012, tu vois. Il est court et il fonctionne vraiment en cycle, hein, parce que nous, le parallèle qu'on a fait, c'est vraiment avec la prise de drogue. Hein, c'était pas très compliqué à trouver comme angle, mais on n'a pas trop réfléchi. Mais il y a vraiment ce rituel en fait dans le jeu où on va recevoir notre coup de fil, on va enfiler le masque, ensuite on va défoncer, on va faire un carnage sur le fond de musique excellente. Et là, il y a le moment qui marque une rupture, hein, ça tout le monde l'a à peu près remarqué, quand on finit un niveau, la musique se coupe, puis il y a cette espèce de bruit un petit peu ambiant, assez de sourdine étrange, comme ça, ouais, un petit peu comme... Ah, non, c'est pas non plus des acouphènes, tu non, vois. Non, c'est, mais, non, c'est pas ça, mais il y a un petit peu ça. Ça pourrait être un peu dans la même idée, ouais. Parce que t'as un bruit de scratch vraiment qui arrête la musique, et t'as cette espèce de son, et puis tu constates en fait le carnage. Yup, it's me. Vous vous demandez probablement quand je suis arrivé jusqu'ici. Et donc toi, en fait, tu te retrouves face à ton carnage. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose... D'ailleurs, c'est mis en scène, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, si le coup des portes, parce que moi, j'ai eu l'occasion de tuer plusieurs gens avec des portes, parce que j'avais trouvé que ça marchait bien, tu te dis, je vais trouver les quatre cadavres les uns sur les autres. Non, le jeu va les placer un peu différemment et va rajouter les mouches, va rajouter les machins. Et donc, il va en fait vraiment renforcer l'idée que tu as fait un carnage et comme si tu étais dans une espèce de descente, tu vois, vraiment bad trip. T'étais sous acide pendant plusieurs minutes et là d'un coup tu constates j'ai cassé ça et j'ai tué 12 personnes parce que le jeu te force du coup à retourner à ta voiture de début et du coup à retraverser tout le niveau et parfois c'est sur plusieurs étages, tu vas vraiment revoir tous ces cadavres, en plus c'est très pixelisé, t'as les flaques de sang rouge fluo, enfin c'est vraiment une redescente assez brutale et qui termine pas complètement parce qu'en général t'as la dalle c'est la fausse dalle coup on va aller acheter une petite pizza et là la musique, il y a une musique qui reprend, c'est une de El Huervo d'ailleurs, je crois que c'est souvent celle-là, qui a un rythme beaucoup plus chill au final. C'est vraiment, tu parlais des BPM tout à l'heure, là c'est beaucoup plus calme. Beaucoup, Après il n'y a pas toujours la bouffe, parfois ça va être une VHS ou je sais pas quoi, mais c'est la fin du rituel, on se calme, on rentre chez nous et après c'est bon. T'as la petite musique du scoring et tout qui se remet un peu entre avec les deux, c'est vrai. Avec le petit rythme qui remonte vraiment, et ensuite la maison, la date, et hop, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Non, et puis même pour prolonger le délire un petit peu sur l'usage de substances, c'est que je trouve que pendant le jeu, comme t'as cette constante alternative ce mode où tu alternes entre l'action intense très très frénétique où tu sais pas trop ce que tu fais mais tu continues à le faire et les espèces de moments hyper réflexifs où tu te dis alors attends je vais passer par ici, enfin voilà, tu vois, t'as cette espèce de combinaison qui est très drogue, je trouve, dans le feeling, cette espèce de d'alternance entre ces deux feelings. C'est ces moments où t'as des espèces d'éclairs de lucidité où t'as l'impression que tu comprends le monde et t'as découvert les secrets de l'univers. Quand t'y repenses, c'était un peu en rétrospective, tu dis alors pendant ça toute cette heure je m'en souviens pas du tout, mais par contre il y a un moment où j'ai discuté avec un pélo et là on a tout refait, tu vois, et c'est vraiment ça, t'as vraiment cette alternance là et je trouve que ça marche bien. Et il y a vraiment un cycle en fait de trip, hein, tout simplement. C'est vraiment ça, hein. Et le fonctionnement du jeu fonctionne sur un truc addictif puisque l'idée c'est de reprendre un peu du game design façon un peu machine à sous où tu vas remettre des pièces, continuer, etc. Donc vraiment le jeu il exprime en fait cette idée de drogue, de substance et d'addiction, mais sans en abuser. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très intelligent dans Hotline Miami, c'est que ce game design là on le connaît très bien, il est extrêmement codifié, hein, ça s'appelle le jeu mobile aujourd'hui, et c'est du game design qui est considéré comme toxique puisque du coup l'idée c'est de abuser, on va dire, la patience et la frustration des joueurs pour les pousser à recommencer, à relancer Candy Crush, à dépenser pour acheter des diamants. Le jeu, d'une manière plus générale, free-to-play. Oui, du jeu free-to-play, pas le jeu mobile. Non, mais je me permets, bien sûr. Parce que c'est mécanique. C'est une généralité. C'est le monument de Valais sur mobile, donc pas pareil, je suis désolé. Non, mais bon, bref, effectivement, t'as raison de le préciser, souvent les modèles de free-to-play exploitent des mécaniques de game design comme ça. Hotline Miami a choisi de ne pas le faire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une limite entre les moments de frustration et il n'y a pas d'usage, en tout cas, qui va abuser le joueur. Toi, tu vas juste kiffer. Tu vas juste vraiment rentrer dans cette espèce de petit moment de délire et ça s'arrête, tu redescends et tu repars. Si c'était constant, ça marcherait pas, mais là, le fait que ça soit comme c'est ça, très rythmé... C'est vraiment intelligent qu'ils aient mis justement ces moments de jeu où tu ne joues pas au jeu concrètement, où tu fais simplement te balader, parce que déjà, ça donne le mood, hein, ça crée l'atmosphère vraiment, et ça crée aussi ce cycle et ces creux dont tu as besoin entre chaque niveau, parce que, comme tu le dis, si c'était constamment ça, le jeu, il serait épuisant, ce serait pas possible. Alors que là, quand même, ça redescend, bah, t'as tout de suite envie de prendre la prochaine montée, quoi. C'est là où on voit quand même le côté un peu moderne de l'approche, parce que c'est de l'arcade, il y a du score, il y a des trucs très rapides, c'est un jeu instantané, tu meurs très vite, etc. Mais un jeu d'arcade, ça serait constant. Si tu finis un niveau, il y a un nouveau niveau, il est encore plus dur, et encore plus dur, et encore plus dur. Là, c'est vraiment bien rythmé, et bah, du coup, ça montre aussi une autre approche du jeu vidéo que je trouvais très très cool. Ça me fait penser à ce qu'on avait dit sur Outer Wilds, où il y a par exemple le marshmallow qu'on fait brûler sur le feu, où il disait que c'était un prototype émotionnel. Ouais, c'est bah, ça. Là, vraiment, dans Hotline Miami, le fait d'accord. de retourner à sa voiture, d'acheter une pizza... Ça en fait, c'est juste pour l'ambiance, quoi. C'est ouais, juste tu peux pour te balader la maison, parce qu'au bout d'un moment, tu sauves une nana et tu la ramènes avec toi. Et d'ailleurs, Dennis le disait qu'il avait basé les relations que Jacket a avec elle, avec son ex. Parce que du coup, lui, il venait de rompre avec une fille à l'époque et bah, du coup, il avait très mal vécu cette rupture. Et il avait rajouté, du coup, bah, voilà, les petits moments de vie communes, entre guillemets, entre Jacket ou la nana, où tu le vois des fois, l'appart, il a été nettoyé. Là, elle est en train de faire un truc dans la salle de bain. Là, elle prend son bain. Là, elle dort. Enfin, du coup, t'as cette espèce de petits moments de vie qui sont en fait bêtement basés sur sa vie à lui. Un petit fil rouge, du coup, ça aussi, tu vois, c'est, d'un point de vue narratif, t'aurais pas ça dans l'arcade. En fait, t'as ce petit fil rouge, du coup, de la fille qui va vivre sa vie, l'appartement qui va un petit peu évoluer à l'image de la relation. Et en fil rouge, ça a déjà été évoqué dans l'histoire, t'as aussi les hallucinations qui arrivent, ça qui viennent de plus en plus. À un moment, t'as un mec qui fouille dans ton frigo, qui est complètement, tu sais, qui a la moitié de la tronche arrachée, qui est dans ton frigo, alors qu'il y a ta meuf à côté sur le canapé. Donc t'es là, t'es ok, le mec voit des trucs qui sont forcément pas là, quoi. I see dead people. Ouais, c'est ça, et ça, c'est toujours éventuellement dans le sous-texte un petit peu de la drogue, tu vois, où ça, c'est peut-être des signes de séquelles, hein, clairement, parce que à force de trip, tu peux commencer à avoir ce genre de choses. Et du coup, je pense que vraiment, cette espèce de cohérence, comme ça, le fait que tout taille dans cette espèce de même sens de trip, comme ça, je pense que c'est ça qui a fait que le jeu en 2012, voilà, on en parlait au milieu de Halo, au milieu de Mass Effect, il se pose complètement à l'opposé de tout ce qui se faisait dans la sphère AAA. Et que ça a parlé à beaucoup de monde, quoi, et que ça explique son succès. Moi, quand j'ai joué à Hotline Miami, enfin, ça a été quand même une vraie petite baffe, quoi, parce que je me disais, tain, ça, on peut faire ça en fait encore avec le jeu vidéo. On peut faire quelque chose, une expérience qui va vraiment, qui se repose sur tous ces, pas ces artifices, mais sur tous ces éléments, le game design, l'esthétique, la musique, pour provoquer quelque chose de très particulier. Et ça m'a vraiment marqué et ça m'a fait du bien. Tu vois, je me disais, ah, c'est ça que je veux dans le jeu vidéo, quoi. Surtout que, comme tu l'as dit, le jeu vidéo, en fait, à cette époque-là, il n'allait pas du tout dans cette direction d'utiliser les codes du jeu vidéo pour raconter quelque chose. Au contraire, il était plutôt dans une espèce de déni de ses propres règles, en essayant d'aller plutôt dans une voie du cinéma. Hein. C'était vraiment toute l'époque cinématographique. Comme je peux l'appeler, où bah, t'avais les Uncharted, t'avais les Call of Duty avec leurs grandes cinématiques, les grands scripts, etc. Et le jeu vidéo était toujours dans cette fameuse recherche de légitimité, et donc il lorgnait du côté du cinéma. Et il y a tout un tas d'autres jeux vidéo. 2012, tu vois, cette Journey, lui aussi, à sa manière, il exploitait très très bien les codes du jeu vidéo, on l'a dit dans l'épisode, je vous invite à l'écouter, pour raconter une histoire totalement différente de Hotline Miami. Mais Hotline Miami le fait avec des codes qui sont très jeu vidéo, hein, moi j'appelle ça de l'huile essentielle de jeu vidéo, j'aime bien cette expression parce que vraiment c'est une espèce d'extrait de tout ce qui est le plus pur dans le jeu vidéo, le côté très violent, très rapide, très frénétique, vraiment viscéral. C'est presque une caricature en fait du jeu vidéo. Ah ben, complètement. Que, quelqu'un qui n'aime pas le jeu vidéo, tu te dis, ah, mais c'est quoi le jeu vidéo? C'est Hotline. Si quelque chose c'est violent, déjà tu rentres dans des salles, tu tues tout le monde, c'est une musique pour jeunes, ce n'est pas Bach, donc voilà. c'est pas voilà, je veux dire, il manquerait plus qu'il y ait un peu de rap dedans et ce serait vraiment le fond du fond, moi je dis Hotline. Mais oui, c'est ça le rigolo. En fait, tu vois, il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que Hotline Miami, c'est un jeu avec un grand J majuscule, c'est le jeu vidéo, tu vois, c'est ça, c'est l'extrait de jeu vidéo le plus jeu vidéo-esque à l'image, tu vois, l'image d'Épinal des gens qui n'y connaissent rien. C'est un jeu comme ça et c'est le mal. Mais pour nous, quand on comprend justement ces codes-là, ben en fait, tu te rends compte qu'ils ont vraiment tout compris et qu'ils arrivent vraiment à faire, comme tu l'as dit, quelque chose d'extrêmement cohérent et c'est très plaisant. Et au final, la violence, comme dans un jeu de combat par exemple, n'est pas le résultat ou même l'objectif, c'est simplement le prétexte qui te permet de vivre ces petits moments de kiff et ces petits moments d'intensité. Le fait que ça soit violent, c'est pas une fin en soi. C'est simplement pour donner un cadre visuel et graphique à ce que tu es en train de même faire, si c'est-à-dire kiffer. Il y a un côté un peu jouissif comme ça, de peut-être un peu cathartique, tu vois. Bah oui. Moi, ça me fait penser vraiment à Tarantino, la scène de Kill Bill, là, quand, t'sais, quand elle est au restaurant chinois, là, qu'elle va tuer Oren Ishii. T'as les 88 mecs samouraïs, là. Enfin, voilà, c'est la foire à la saucisse, ça coupe des pieds, ça coupe des machins, ça pisse le sang de partout. Ça m'a fait vraiment penser à ça, et je trouve qu'il y a un peu aussi ce rapport-là à la violence. Tu vois, qui est dans la limite, dans la célébration de la violence, mais sans aucun impact psychologique, parce que c'est fin, c'est gratuit. Parce qu'il n'y a pas de conséquences. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Mais en fait, moi, cette période, je la trouve super intéressante, puisqu'on a d'un côté donc, les AAA qui ont souvent été pointés du doigt un petit peu pour leur violence, hein, même s'ils tendent vers le cinéma, ça reste des propositions violentes, ou clairement, hein, c'est le conflit armé. Et 2012, bah, cette journée, le jeu de l'année. En 2013, on a Gnome. Tu vois, il y a un peu ce côté, la scène indé, bah, elle va sauver le jeu vidéo. En tout cas, elle va réussir à montrer ce que le jeu vidéo peut aussi faire. Et nous, on le dit souvent, hein, c'est des jeux, bah, c'est journée et Gnome, hein, c'est des jeux dont on a parlé. 2012, t'as aussi Dear Esther, je crois. Mais à côté de ça, t'as Hotline Miami, qui est 100% indé aussi. On le disait, c'est deux mecs dans un garage et tout. Mais qui, eux, vont aller complètement dans l'autre sens, et même plus que le AAA, et faire du 100% violent. Et faire. Montrer que oui, la violence aussi, bah, c'est de l'art, il n'y a pas de souci. Il y a cette esthétisation de la violence qui permet aussi de raconter d'autres choses. Et c'est marrant d'avoir tout ce fameux spectre, ce fameux paysage en 2012. Non, mais surtout, ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là où le AAA allait partout dans la violence, il montre qu'on peut faire encore autre chose, quelque chose qu'on n'a pas vu, avec des trucs très essentiels du jeu vidéo. Et grâce à l'esthétique et à toute la cohérence qu'ils ont autour, bah, ça fait un truc qui est complètement unique. Enfin, pour moi, Hotline Miami, c'est un petit cacheton, tu vois. C'est un petit tube comme ça, tu en prends un. Et il n'y a aucun autre jeu, qui a le même goût que ce cacheton-là. Et surtout, moi, ce que j'avais beaucoup aimé donc, en 2012, il y a vraiment ce côté, c'est de la violence assumée. Mmh. Tu vois, c'est pas un peu un jeu qui va un petit peu le cacher, ou c'est du prétexte, non, c'est vraiment... Là, on parlait de tout ce quatrième mur, justement, où il dit, c'est « Do you like farting people ?» Ça, c'est une des lignes dans le jeu. Et oui, en fait, toi, en tant que personne, quand il te parle à toi, il dit, bah, tu vois, tous ces gens que t'as tués, oui, en tant que joueur, en fait, on disait que c'est frénésie, prise de drogue du personnage, mais en fait, non, c'est le joueur qui est dans son trip d'Hotline Miami, qui défonce des gens partout, le sang pixelisé, c'est nous qui le déversons, et... C'est assumé, en fait, et ça fait aussi du bien, tu vois. Il y avait donc, je reviens à cette période où on a tendance éventuellement à mettre sous le tapis, tu vois, les Doom, les Gears of War, et dire non, mais le jeu vidéo c'est aussi Journey, c'est aussi, bah, il y a eu The Witness, enfin machin, mais Hotline Miami aussi, tu vois, et c'est tout autant légitime d'assumer la violence. Et puis surtout, ce qui est important avec Hotline Miami, c'est que c'est un jeu qui a vraiment, comme on le disait, défini Devolver, et c'est un jeu vraiment qui est catalyseur de ce qu'est l'image Devolver, et la ligne éditoriale Devolver va se définir à partir de Hotline Miami, puisque dans les quelques années qui vont suivre, on a vraiment l'impression qu'ils veulent réitérer le succès d'Hotline Miami. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont pu toucher des joueurs, et moi j'étais vraiment dans cette situation-là, parce que quand Hotline Miami, j'y ai joué, je suis allé sur le site de Devolver, donc je me suis vraiment dit, bah voilà, je veux la même chose que ce truc-là, donnez-moi mon fixe, s'il vous plaît, je veux de la brutalité et du pixel, c'est ça le jeu vidéo. Et complètement, les mecs de Devolver se sont dit, oui, c'est ça qu'on va faire. c'est dans les tuyaux. c'est si tu vas en 2012, c'est parti. Parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu Broforce après. Broforce, Not a Hero. Il y a eu Ruiner un peu plus récemment. Mother Russia Bleeds aussi, qui rentrait vraiment dans ce délire-là. Et c'est marrant parce que Mother Russia Bleeds, je ne sais pas si on en parlera à un moment, mais moi, quand il a été annoncé le jeu, j'étais en pleine descente d'Hotline Miami. J'étais là, oh putain, il faut vraiment qu'on joue à ça, vivement que ça arrive. Et quand ça arrive, là, c'était peut-être un peu en retard, on va dire. Ouais. Pour souligner un petit peu cette fameuse ligne éditoriale de Devolver à ce moment-là, c'est vraiment donc, des pixels, des couleurs assez vives, de la musique plutôt bourrine, beaucoup de violence et du sang. Not a Hero, Broforce, si vous connaissez pas, vous pouvez regarder, c'est un petit peu dans des... et du gameplay aussi très, très arcade. Oui, un gameplay toujours très nerveux, très arcade, enfin vraiment tu sens l'importance vraiment des gars de Vlambeer, hein. C'est les mecs, enfin, pour moi Vlambeer, Yann, machin, c'est le roi du juice, hein. C'est un mec qui s'est vraiment donné de la patate à ses jeux, et clairement Devolver, c'était cette école là leur ligne, quoi. Bah, en fait, à partir du moment où ils ont eu Hotline Miami, le succès leur a vraiment permis de faire quelque chose qui était complètement inédit dans l'histoire du jeu indépendant, alors qui était encore très récente, hein. Ça fait que quelques années, mais ça passe tellement vite, ça évolue tellement vite que les vagues s'enchaînent, et à ce moment-là, en fait, Devolver a pu vraiment lancer cette idée que c'était un label, au même titre qu'un label de musique, que tu vois, une boîte de production pour le cinéma, ou une, tu vois, tu sais très bien, par exemple, aujourd'hui, tu demandes aux gens ce qu'est une série HBO, les gens, a priori, ils ont déjà une idée, et ça, c'est quelque chose qui était très important dans l'histoire du jeu vidéo, puisqu'on est en 2012, et à l'époque, il y a déjà toutes les histoires d'Indiepocalypse, comme quoi il y a trop de jeux vidéo, le jeu vidéo va s'effondrer, c'est qu'une bulle, patati patata. Bon, dans les faits, on est 10 ans plus tard. Lali, il n'y a jamais eu autant de jeux qui sortent, il n'y a jamais eu autant de jeux qui se plantent, certes, mais il y a quand même tout un tas de jeux qui réussissent aussi. Et donc, en fait, l'une des idées qui a été amenée pour se sortir de cette idée d'Inpocalypse, c'était de regrouper des jeux qui allaient dans la même direction pour que les gens puissent s'identifier et se dire, bah voilà, moi, j'aime bien les jeux violents, j'aime bien les jeux comme ça, j'aime bien des jeux vraiment très instantanés, des expériences assez pures, entre guillemets, purement jeux vidéo, très arcade, bah je vais aller regarder du côté de Devolver. Moi j'aime bien les Walking Simulator, je m'appelle Hugo, je vais me mettre à écouter, à jouer au jeu Annapurna Interactive. Voilà, effectivement. Non mais c'est, moi j'ai vraiment fait la bascule, c'est-à-dire que moi en 2013 plutôt, parce que j'ai joué en 2013 à Hotline Miami, je suis vraiment dans ce mood-là, c'est-à-dire je me dis, ok, c'est ça que je veux dans le jeu vidéo, et je voulais que ça, tu vois. Et puis après, bah, les années ont passé, et je pense que justement, Devolver en a sorti beaucoup des jeux comme ça. Je pense qu'il y a aussi d'autres labels, d'autres studios même qui sont jeux sortis, qui surfaient aussi un petit peu sur cette vague-là, et je pense que je m'en suis un peu lassé, et c'est vrai que maintenant, je suis un peu la groupie d'Annapurna, parce que voilà, ces expériences un peu plus narratives, etc. Bref, c'est la daronisation, hein, vous me connaissez. Mais ouais, il y a eu ce shift-là. Ouais, et quand Devolver arrive, il y a effectivement ce besoin, hein, parce que comme tu le disais, il y a de plus en plus de jeux qui débarquent, ça devient compliqué de choisir, peut-être que les journalistes sont pas tous prêts à voir non plus débarquer tous ces jeux indés et à les tester au même titre que des AAA, il faut tu vois, pouvoir un petit peu comprendre ce besoin du marché, et effectivement tu vois un Hugo en 2013 qui va sur le site un Hugo en 2013 j'adore le tu deviens une unité de mesure, non mais oui, c'est vraiment, c'est Thalassa quoi, mais c'est une preuve tu vois de le fait de dire ah il y a eu ce jeu indé édité par Devolver, je vais aller sur le site de Devolver pour découvrir des nouveaux jeux. Bon, ça, c'est un processus quand même qui est assez nouveau, quoi. Et puis Devolver a évidemment développé toute cette image. Quand tu vas sur le site, c'était Choose Your Poison pour voir tout le catalogue de jeux. Donc ils ont vraiment cette image et ils ont bien compris que, parce qu'on le rappelle, hein, Devolver, oui, c'est business et punk attitude, mais il y a business dans les deux, hein. Ils financent pas des jeux pas ambitieux. On avait pu mentionner à l'E3, hein, ils ont leur conférence qui est assez un peu perchée, tu vois, qui est très irrévérencieuse, qui se moque même parfois de l'industrie. Ils avaient fait une espèce de, je sais plus, une conférence où ils se moquaient. Tous les ans, c'est ça maintenant. Ouais, hein. C'est ça, ils se moquent de certaines pratiques de l'industrie. Ils ont une actrice là qui joue la fausse présidente de Devolver et qui est super drôle et qui tabasse des gens, enfin qui fait n'importe quoi. Donc ils ont cette image un petit peu alternative, mais c'est du marketing. Il faut pas l'oublier, c'est du marketing. C'est une manière de se positionner et de créer une image. Je me souviens d'une image là tout de suite où elle est là avec son tailleur et tout, elle vient d'expliquer un truc super important aux actionnaires, elle vient de tabasser quelqu'un, elle a du sang partout sur le visage, il y a une petite fille qui arrive, enfin une petite fille, une nana plus petite qu'elle, qui arrive habillée en genre, tu vois, laborantine, qui monte sur son petit escabeau et qui lui lèche l'oreille pour enlever le sang, tu vois, c'est des images comme ça très fortes, et ils ont bien compris en fait qu'il fallait jouer de cette image-là d'Evolver pour s'imposer. À Devolver, depuis quelques années, quand ils vont à l'E3, ils ne sont pas dans le chauffe-l'or, parce que ça coûte trop cher pour eux, c'est des rebelles, ils ont leur petite caravane avec les machines à hot-dog à 100 mètres de là, et ils invitent les journalistes là-bas, parce que du coup ça crée une espèce de folklore, et ils ont créé toute leur image de marque et on va dire même la mythologie autour de Devolver grâce à Hotline Miami. Mais c'est ça, enfin tu vois, bon, moi j'ai fait des études de marketing, Devolver pour moi c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle le guérilla marketing, c'est-à-dire que t'as pas les mêmes moyens que tes gros adversaires en face, du coup tu vas essayer de complètement court-circuiter un peu le truc, et vraiment se mettre en face comme des gros clochards avec des caravanes en face et faire un gros fuck au reste de l'industrie, bah genre nous on va pas payer et tout le monde va nous remarquer parce qu'on a des caravanes et des hot dogs, bah, pour moi c'est typiquement du guérilla marketing. Et pareil, leur manière de créer un compte Fork Parker qui est une espèce de c'est leur chief financial officer, donc le mec qui se moque vraiment de l'industrie, tout ça c'est des petites techniques en fait qui permettent de se poser en alternative, mais qui ont toujours l'objectif, c'est de l'image, c'est de la construction d'image, c'est de la stratégie, c'est du positionnement. C'est des gens qui sont intelligents, hein, qui font du bon marketing, hein. Moi en tant qu'ancien marketeur, j'aime bien ça, tu vois, je trouve que c'est malin, c'est bien fait, et en plus bon, malgré tout ça a donné vie à des projets qui sont intéressants. Et Hotline Miami, je pense que Hotline Miami arrive vraiment au parfait bon moment en fait, parce que même au-delà du jeu, il y a des choses qui vont dépasser Hotline Miami, notamment la musique. Je pense qu'il arrive vraiment au bon moment. On a parlé de Drive. Drive, pour plein de gens, tu vois, c'est un morceau de Kavinsky. Ouais. Kavinsky, il a eu une carrière incroyable là-dessus. Il y a eu tout un tas d'artistes qui se sont lancés justement sur cette mouvance du retour aux années 80, parce que c'était ça, hein, vraiment le début des années 2010. Ça a été un retour aux années 80 dans beaucoup d'aspects, que ça soit de la mode, de la musique, du cinéma, une certaine esthétique. Et la musique, ben, c'est vrai que le début de la synthwave, tu vois, il y a 10 ans, il y a 15 ans, personne n'en écoutait. Moi, je savais même pas à quoi ça ressemblait. Et là, du jour au lendemain, dans ma bibliothèque Google Music, il y avait quasiment que ça, quoi. Ouais, c'est vraiment un jeu moderne, en fait, Clan Miami, et qui a su vraiment dépasser sa condition de jeu, parce qu'on disait, la musique, bah, tout le monde l'écoutait, en fait. Enfin, tout le monde, évidemment, j'exagère, mais on pouvait l'écouter en soirée, on pouvait la faire découvrir à des gens qui jouent pas forcément aux jeux vidéo. Enfin, ça fait vraiment partie de l'identité. C'est vrai que t'avais pas honte, tu vois, tu disais, c'est la musique de jeux vidéo. Et t'avais les gens qui étaient en train de bouger la tête et tout. Et ça, encore, c'était que le 1, parce que le 2, on est monté quand même sur un gros niveau. Il avait leak l'album du 1. Enfin, moi, je vois ça que dans le rap, tu vois. Est-ce que Has It Leaked, tu vois, le dernier album de Kendrick Lamar, on attend, mais il n'est pas là. Mais par contre, Hotline Miami, c'était fou, quoi. Enfin... Et ça fait tellement partie de l'expérience que moi, j'avais écouté quelques morceaux, mais je m'étais arrêté à ce que je me disais, non, je vais attendre que le 2 y sorte, parce que ça avait leaké pas longtemps avant. Je me disais, je peux attendre, j'ai cette force-là. On était fou quand même de ce jeu, parce que je me souviens, toi, tu l'avais eu avant moi, mais genre, peut-être un ou deux jours, je devais avoir des partiels ou de conneries, j'en sais rien. Et du coup, il m'avait nargué cet enfoiré, parce que genre, moi, je suis en train de jouer à Hotline J'avais pris une photo. Les vieux bails. Pour te dire à quel moment, en fait, à ce moment-là, quand le 2 sort, nous, on était vraiment à fond là-dedans, quoi, vraiment. Oui, parce que on soutient des indés et tout, mais on fait des suites, hein, quand même, chez Devolver, on perd pas le Nord. Après, ils voulaient faire... Ouais, je pense qu'on peut en parler du 2, hein. Ouais, ils voulaient... Je pense que, voilà, sur le plan musical, on l'a dit, je pense qu'ils le topent complètement à tous les niveaux. C'est la découverte de Carpenter Brut aussi, en tout cas, pour vraiment, énormément de gens, hein. C'est la confirmation. Mon Perturbator était déjà connu, était déjà sur le 1, mais, enfin, vous regardez un petit peu, je sais pas, des gens qui participent à des confs ou quoi, les t-shirts Perturbator, les t-shirts Carpenter Brut, on en voit fleurir. je plaide coupable, j'avais même un poster Perturbator dans mon bureau à Gamekult. Je l'avais mis derrière, je l'avais reçu. Et pour la musique, tu vois, ça a révélé des tonnes de gens, Carpenter Brut, mais Moon aussi, tu vois, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, parce qu'il y est dans le docu. Et c'est trop rigolo, parce que Moon, donc, quand ils sont passés sur le Bandcamp, lui, il avait juste sorti un petit album. À l'époque, il était au lycée, le gars, tu vois, il avait 15-16 ans, ils ont écouté son album et il était là, c'est sympa, tu vois, Moon, Oxygen, je veux ce truc-là. Et du coup, il l'interroge, et donc, comme je le disais dans ce documentaire, voilà, les types, c'est tous des gros gars avec des grosses barbes, des chapeaux, les canettes de bière et tout. Et là, d'un coup, t'as un type qui doit avoir 18 ou 19 ans avec son petit pull, tu vois, limite fila, qui apparaît, et son petit jogging, et qui te dit, après avoir entendu les gens juste à côté, juste avant, qui parlaient des jeux et de la galère et de la déprime, et lui qui dit, ouais, moi j'étais au lycée, c'était super dark quand j'ai écrit ces musiques-là. Bon, moi ça me fait marrer, parce que c'est vrai qu'il y a un contraste très fort entre les intervenants de ce documentaire, mais la musique de Moon, encore aujourd'hui, moi je l'écoute et ça me fait, tu vois, c'est dans ma playlist un petit peu en fond et quand puis je bosse, en plus, et c'est sur top, quoi. Le 2, il a réitéré l'exploit, parce que je trouve qu'il y a des morceaux qui sont et super bien, bien Dust, Dust du 2, elle est excellente, qui est la musique justement quand on termine les niveaux, elle est vraiment chouette. Et du coup, ouais, sur la musique, je trouve que le 2 est vraiment incroyable. Ils ont fait d'autres choix, je trouve, enfin, il est plus fin, le 2, tu sens qu'il est plus abouti, le pixel art, il est plus joli, les niveaux, ils sont mieux mis en scène, ils sont plus grands également, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ils sont plus grands, ouais. Il y a un côté, disons que la balance entre la planification et l'improvisation est plus passée du côté de la planification, je pense, dans le 2. Il y a beaucoup de hors-champ. Hein. Ça, je pense, tout le monde l'a dit, hein, sur le Discord, hein, quand on a mis sur Club de Lecture. C'est vraiment ce qui est ressorti et c'est ce que je ressens aussi à titre personnel. Et par contre, il y a beaucoup plus de persos et tout. Là, c'est beaucoup plus fouillis. Enfin, pas fouillé. Ils vont reboucler avec toutes les choses qu'on a pu... éventuellement, des petites bribes qu'on a pu voir dans le 1. Là, ils vont boucler de partout. Hein. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire, en fait, sur l'histoire, sur l'univers. Eux, c'était déjà plus ou moins mis en place avec le 1, mais c'était beaucoup plus en retrait. Il y avait plein de choses qu'ils avaient enlevées ou en tout cas qu'ils avaient décidé de ne pas mentionner. Et là, dans le 2, c'est bon. Ils ont dit, on va terminer l'univers, on va terminer toute l'histoire. Ils en sont très contents, hein, du 2. C'est bon, c'est Hotline Miami 2, c'est la fin de l'univers Hotline Miami. Il y aura pas de 3, hein, spoiler alert. Oui, c'est vraiment le truc. Si tu vas sur le Discord de Devolver, ils disent dans les FAQ, la première question qu'on nous pose, non, il y aura pas d'Hotline Miami 3. Et par contre, paradoxalement, le jeu a pas aussi bien fonctionné. Ouais. Hotline Miami 2, très attendu. Les attentes étaient peut-être même trop grosses. Ça arrive assez souvent. Hein, arriver derrière un gros jeu qui a été un carton, c'est très difficile de réitérer l'exploit. Et Hotline Miami 2, les devs ont beau adorer le jeu, en fait, la réception critique a été légèrement moins bonne. Ça n'a pas été une catastrophe non plus, mais il y a une différence quand même quand vous connaissez 74, un peu le. Ouais, 75 voilà. Sur Metacritic, donc... C'est ça. C'est un peu moins bien. En dessous du 8, voilà. C'est bête, mais les notations à l'américaine dans le jeu vidéo, c'est pas aussi bien. 7, c'est la moyenne. C'est-à-dire qu'un jeu à 7 sur 10, c'est comme si vous aviez un 10 sur 20. Bah, sur Metacritic, je crois que quand tu passes en dessous de 7, ça devient jaune. Là, déjà, tu vois, c'est limite dangereux. Jaune, c'est danger. Et à 5, t'es dans le rouge très largement. Ouais, voilà. Alors que bon, si on regardait un barème classique, mais voilà, on va pas relancer la discussion. Le fait est que le jeu était à plus de 80 pour Hotline Miami 1. Le 2 est légèrement moins bien accueilli. et les deux développeurs bah, en fait, l'ont très mal vécu. Ça, c'est un truc qui ressort beaucoup dans le docu, où ils t'expliquent que bah, eux, ils avaient d'une, pas voulu gagner de l'argent, ils s'en foutaient, ils n'étaient pas là pour ça, mais une fois qu'ils s'étaient retrouvés avec tout ce blé à la fin de Hotline Miami 1 et que Hotline Miami 2, ils ont fait le jeu qu'ils avaient envie de faire, ils avaient vraiment mis tout leur cœur dedans, bah, en fait, quand ils se sont rendus compte que ça plaisait moins, je pense qu'il y a eu une espèce de retour de bâton assez violent par rapport à la célébrité autant, qu'ils avaient autant gagné. Autant les gens les adoraient, tu vois, mais je pense qu'ils se sont vraiment appropriés Hotline Miami et moi je m'inclus aussi dedans parce que c'était un jeu, tu vois. Tu sais, comme c'était un peu un truc un peu plus de niche par rapport au AAA, je pense que tu sais, c'est quelque chose qui était précieux, donc c'est quelque chose, je pense, que tu tisses un lien beaucoup plus personnel avec. Et je pense que, ouais, on attendait tous beaucoup du 2 et je pense que, bon, voilà, les gens qui ont été déçus et qui étaient par hasard sur internet, ils étaient peut-être, ils avaient un compte Twitter qui traînait ou Reddit, dit, voilà, et ils ont décidé de faire ce que font les gens sur internet, c'est-à-dire être désagréable. et ouais, je pense que eux, ils l'ont pris d'autant plus fort que c'est pas quelque chose qu'ils cherchaient en plus toute cette attention qu'ils ont gagnée avec Hotline Miami. Bah, ils le disent clairement, c'est qu'ils sont moins heureux aujourd'hui qu'ils l'étaient avant Hotline Miami. Ça c'est donc, super triste hein, quand même. Ouais, quand tu vois ce docu et t'entends ce mec-là qui disent, tu sais, en plus il parle tout doucement. Enfin, tu vois que c'est un nounours. Alors c'est des punks à chier. Enfin limite, hein, ils ressemblent comme ça. Tu vois. Des punks à nounours. Ouais, c'est des punks à nounours vraiment. Et tu sais, c'est trop triste. Le mec il dit, bah voilà, je pense pas que ma vie est plus heureuse maintenant. Peut-être même moins heureux. Ouais, alors, voilà, je suis... c'est ça. Bah il y a une vraie, enfin. Tu sais, t'as l'impression que tu peux avoir l'impression que la vie a un certain sens et les mecs ils ont fait un jeu, tu vois, que je crois que c'est dans sa bio, tu me disais, il dit quelque chose du genre, je fais des jeux, Hotline Miami is one of them, tu vois. Y a pas forcément cette réalisation que c'est un jeu qui va cartonner, dépasser toutes ses espérances. Le mec il dit, en fait, le but de la vie pour beaucoup de gens, bah, c'est l'argent. Et le mec il est millionnaire en ayant fait un truc et peut-être qui considère comme étant pas meilleur qu'un autre. On avait déjà pu évoquer un petit peu ça avec Toby Fox, où lui il a fait Undertale et pour lui c'est un jeu, il dit ouais c'est un 8 sur 10. Oui voilà, ouais, c'est ça. Et alors que c'est devenu une icône vraiment dans le jeu vidéo. Ouais, mais je pense que de la même manière ça les a vraiment dépassés et du coup forcément quand il y a eu une vague vraiment un peu plus négative, bah forcément ils l'ont pris d'autant plus dans la tronche et bah, ils en sont sortis un petit peu vraiment, ils s'éloignent vraiment de la Miami. Alors je regardais, on n'a pas de news de... Bah, moi je suis allé voir l'Instagram là de Denis et qui disait bah voilà on est en train de travailler sur un truc, c'est tout sauf Hotline Miami 3. Donc ils prennent bien, tu vois. Il y a vraiment un rapport, tu sens que foutez-nous la paix avec Hotline Miami, enfin c'est limite ça malgré tout, mais voilà, ça sera toujours, maintenant c'est tatoué sur leur tronche et ils pourront pas s'en sortir, voilà, ce sera toujours comme ça malheureusement. Mais c'est là que tu vois que bah, Hotline Miami a été les joueurs se sont réappropriés Hotline Miami puisque c'est devenu vraiment un lifestyle où comme on disait, tu vois, il y a un type de musique, il y a Devolver qui donne une espèce de tonalité, tu vois, aux jeux vidéo indépendants. On dit ça, c'est un peu un pied de nez à l'industrie, enfin il y a plein de choses, il y a des gens tu vois qui sont mis un peu à vivre Hotline Miami différemment et ça a créé d'ailleurs tout un espèce de fandom énorme. Enfin, moi, je me souviens d'un tas de vidéos amateurs où un type arrivait, il mettait un masque de cochon, il mettait le masque de cheval. Combien on a vu de vidéos avec le masque de cheval ? Alors, pas d'où est venu le mème masque de cheval. Non, mais tu vois, tout est arrivé un peu dans mon esprit, c'est un peu mélangé. C'est-à-dire que je vois quelqu'un avec un masque de cheval aujourd'hui, je pense à Hotline Miami avant le mème. Mais j'ai vu des tonnes de vidéos extrêmement bien réalisées où c'était ça, où des gars ils faisaient des vidéos et ça a vraiment motivé plein de gens à faire du contenu autour de ce délire de Hotline Miami. Ça a créé des tonnes d'artwork, il y a des tonnes et des tonnes de dessins vraiment magnifiques qui ont été faits justement à cause de l'esthétique de Hotline Miami. Et ce qui est rigolo, c'est que ben, eux, c'est juste des trucs de pixels. Donc il y a quelque chose, et ça c'est quelque chose par contre dont ils sont très fiers dans le documentaire, ils le disent, où ils disent, ça fait plaisir de voir qu'avec des petits trucs simples, avec notre art, on a réussi à inspirer des gens. Et ça, tu vois qu'ils en sont quand même très fiers, parce qu'ils ont effectivement, à eux seuls, à eux deux, ils ont poussé une certaine tendance. Alors ils n'ont pas redéfini l'intégralité du jeu vidéo, mais il y a une petite tranche du jeu vidéo, ils pourront dire dans quelques années, ça c'était nous. Oui vraiment, je pense que début des années 2010, le jeu vidéo indépendant, Hotline Miami, c'est un nom qui restera toujours. De toute façon, c'est un nom qu'on retiendra de cette époque. Enfin voilà, on parlait de Journey, c'est assez iconique, tu vois, de voir ces deux jeux coexister cette même année, c'est assez beau. Et je pense que ça pouvait annoncer comment allait s'étendre le paysage vidéoludique. Non mais c'est vrai, parce que c'est un peu les deux, c'est le pôle sud et le pôle nord, tu vois, vraiment du truc. Au milieu, tu peux mettre tous les jeux, je veux dire, entre ces deux jeux, tout rentre à peu près entre ces deux jeux. Ouais, c'est ça, c'est Max qu'on parlait, qui disait qu'en gros, ces deux jeux-là, en fait, ces deux extrêmes, ils sont pas forcément... Il n'y en a pas un qui est plus légitime, il n'y en a pas un qui est plus de l'art que l'autre, qui est plus du jeu vidéo ou du meilleur jeu vidéo. Il n'y a pas de jugement de valeur. l'heure. En fait, ça nous permet effectivement de continuer à définir les limites. Et c'est ça un peu le jeu vidéo indépendant, ce qu'il fait depuis une quinzaine d'années. Il continue d'étendre les limites de ce qui est possible à faire dans du jeu vidéo. Et à chaque année, à chaque fois qu'il y a des nouveaux jeux, des nouvelles surprises, on se rend compte qu'on peut aller toujours plus loin. Et Hotline Miami, il n'a fait que cristalliser tout ce qui était la synthèse des années 80, des machins, des bidules, des trucs ultra violents, et de nous dire, regardez, on peut en plus raconter des histoires et vous faire vivre des bonnes expériences avec tout ça. Et là, aujourd'hui, en 2020, on en a fait un petit peu le tour de ce pôle, ce pôle nord-là. On a déjà évoqué un truc. Je pense que c'est cyclique, ça reviendra sûrement quand il y aura une nouvelle petite bombe qui va arriver comme ça. Aujourd'hui, je pense, moi personnellement, dans cette typologie-là très précise de jeu, j'en ai pas qu'on remplaçait Hotline Miami, à mon sens. Non, on avait parlé un petit peu de, pas un effet de ras-le-bol, mais d'essoufflement. Tu vois, moi, le point de rupture, c'était, je pense, 2017, quand j'ai vu Ruiner, ou Ruiner, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est mec. C'est Ruiner, c'est un jeu aussi d'Evolver. L'esthétique, elle est assez proche en termes de couleurs, avec la musique et tout. Il y a juste une caméra isométrique, mais c'est un mec avec un casque de moto. Enfin, tu vois, j'ai vu ça, j'ai fait. Bah non, c'est bon, en fait, stop, j'en peux plus. Et alors, on va pas rentrer dessus en détail, puisqu'on en parlera lors d'un épisode futur, mais Devolver, c'est aussi diversifié depuis justement cette petite bulle. Oui, il y a eu pas mal d'années où ils sont vraiment restés dans cette ligne, et puis je pense qu'eux aussi se sont rendus compte qu'il fallait. En même temps, encore une fois, d'un point de vue très pragmatique et marketing, je pense pour continuer à survivre, parce que des labels indés, il y en a d'autres maintenant, qui ont aussi les dents très très longues et qui ont envie de prendre leur petite part du gâteau. Et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rester toujours sur cette même identité. Et ils sont en train de s'ouvrir à d'autres typologies de jeux. Et d'ailleurs, on en parlera là, dans les quelques mois qui vont arriver, je crois. Yes. C'est ça. Bah oui, on peut vous le dire, sans spoiler ni le nom des jeux ni quoi que ce soit. Mais on va continuer un petit peu parler d'autres jeux Devolver, parce que c'est quand même un éditeur important dans le paysage vidéo. Indéludique, je sais pas trop comment on pourrait faire, mais du coup, nous on voulait vraiment revenir en fait sur Hotline Miami parce que le destin de ces deux entités là est vraiment très lié. Et bizarrement, le succès de Devolver n'a pas été que le succès de Denaton, puisque ils le disaient, ils s'en sont pas forcément très contents. Donc j'espère que leur prochain jeu ils le feront ensemble, qu'ils leur feront encore confiance, etc. Je pense que ça sera un bon indicateur. Le jour où ils annoncent un jeu, s'il est pas avec Devolver, c'est que il y a vraiment eu une rupture entre les deux. Alors là, je me projette, on est bien d'accord, mais j'espère en tout cas que les gars de Denaton arriveront à ressortir d'autres trucs et à se faire plaisir, parce que c'est ça en fait qu'ils avaient envie de faire. Ils le disent, Hotline Miami, c'est un jeu, nous on cherchait des jeux comme ça, on n'en avait pas, donc on l'a fait. Et c'est vrai que cette réflexion là, elle revient souvent dans la bouche de tout un tas de développeurs, de moi j'avais envie de faire un jeu pour nous, tu vois. Les mecs de Diablo, quand ils ont fait Diablo, ils se sont dit nous on veut faire un jeu auquel on aurait envie de jouer. Et c'est d'ailleurs la philosophie qui avait fondé Blizzard au départ, cette idée là c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 80-90, c'était vraiment sur ça qu'ils se basaient, quoi. Non, mais de toute façon, c'est toujours un cycle. Et même la présence de ces labels indés, encore une fois, c'est des entités qui permettent de réunir du monde, de donner des fonds. Enfin, ils fonctionnent comme des éditeurs, mais avec une philosophie un petit peu différente, un peu plus équitable. Et c'est pour ça, je pense que nous, le public, on a un peu plus de sympathie pour ces entités-là, parce qu'on s'y retrouve plus, on a l'impression qu'ils sont plus proches de nous, proches des développeurs, que c'est un peu plus équilibré. Et forcément, il y a une bonne place. C'est pour ça qu'on les aime bien, tous ces petits labels. Et puis surtout, parce qu'ils mettent en avant des projets qui, comme tu le dis, essaient de repousser un peu les limites du médium, quoi. Et puis c'est cool qu'ils aient ouvert leurs portes, tu vois, à Sœur d'édition et aux auteurs, pour justement qu'on en apprenne un petit peu plus sur eux, sur leur philosophie. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Devolver, leur fonctionnement interne, moi je conseille clairement le bouquin. Oui, surtout que c'est pas si souvent que les éditeurs, de l'industrie jeu vidéo est très secrète, elle aime pas ouvrir ses portes. Donc là, c'est encore une fois, ça montre qu'ils se positionnent différemment du reste de l'industrie. C'est très cool que Baptiste et Pierre aient pu questionner toute cette constellation de personnes qui gravitent autour de Devolver pour ce livre. Mais de toute façon, on y reviendra, on va retourner picorer dans ce bouquin, puisque de toute façon, comme on l'a dit, on parlera d'autres projets de Devolver. Je crois qu'on a fait le tour sur Hotline Miami. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, messieurs. Et puis on se retrouve, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème technique, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre Patreon si vous voulez nous soutenir. Vous pouvez aussi venir sur Discord pour papoter avec nous, découvrir les prochains jeux dont on va parler. Et puis à bientôt. Salut.